Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analysé, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, vendredis, 20h30, 22h, pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux ce week-end. Bordeaux s'est incliné samedi soir. C'était à Nîmes au stade des Costières, 2-1. On va évidemment, c'était lors de la 33e journée de Ligue 1, on va évidemment y revenir lors de cette première partie d'émission. On s'intéressera également à ce qui nous attend dès vendredi soir prochain, donc pas d'émission, vous l'aurez compris, puisque nous serons au stade pour assister à la 34e journée de Ligue 1, vendredi 20h45. Dernier gros match de la saison. Les Girondins reçoivent l'Olympique Lyonnais dans un stade Matmut Atlantique Relégalis qui, espérons-le, sera chaud bouillant comme face à Marseille récemment. Ça pourrait aider Bordeaux à la victoire. On parlera également de la maladie de cette saison côté Girondins. Ce sont les coups de pied arrêtés. C'est quoi le problème? Comment on y remédie? Vous allez voir, les stats sont assez terrifiantes cette saison. J'ai préparé ça vite fait avant l'émission, c'est assez affligeant. Et puis si on a le temps, on reviendra sur le nouveau système en 3-4-3 ou 3-5-2, appelez ça comme vous voulez. Est-on obligé de... Cette question est bizarre, Adrien. Oui. On le tournera autrement. Mais on reviendra sur le 3-4-3. Le 3-4-3, est-ce que Bordeaux est 3-4-3 compatible? Oui, ben voilà, mais parce que ta question posée comme ça, je trouve que... C'est pas moi qui ai posé la question, non, c'est Enzo. Ah, autant pour moi, bah c'est pas grave, Enzo, il... On peut l'attaquer, il est pas là, il peut pas répondre. On peut le défoncer, il est pas là, tout à fait. Donc, pour aborder tous ces sujets, il y a avec moi autour de cette table, vous venez de l'entendre, Adrien. Salut Adrien. Bonsoir. On espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques oui, à manger des chocolats. Adrien. J'avais pas trop mangé. Parce que t'as bien cherché les œufs quand même hier dans le jardin. Non, même pas. J'étais à la messe. T'étais à la messe. T'es allé chercher les cloches. Ouais, ils sont déjà à la maison. T'es allé à la messe? Oui, j'étais à la messe. C'est bien. On était dans un bon dispositif. J'ai bien fait. Il était à Saint-Symphorien. Oh, il jouait contre le FC Jésus. T'étais en quoi là? En 3-3-3. En 3-3-3, ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a Jésus au milieu. Tout le reste sur le côté. C'est-à-dire, un clou en bas, deux clous sur les côtés. Et bienvenue sur Blasphème FM. Blasphème Analyse. Cyril est là également. Salut Cyril. Salut tout le monde. Moi, je suis pas dans le Blasphème, moi je suis dans le spoil de Game of Thrones, les gars. C'est bon. Il y a eu un nouvel épisode hier soir. T'as regardé en direct, les gars. Moi aussi, j'ai regardé en direct. Je travaillais pas aujourd'hui. Putain, j'allais dire, le nombre de gonzes qui ont dû regarder en direct parce qu'ils travaillaient pas aujourd'hui. Eh ben voilà. Ah, voilà. Ben, moi, dis-toi des mecs que qui ont pas de vie, tu sais. Des mecs à 3h du matin qui restent éveillés jusqu'à 3h pour regarder Game of Thrones. Je suis pas allé jusqu'à Game of Thrones parce que déjà j'ai pas OCS et que j'ai pas encore vu la saison 7, mais je me suis dit, tiens, c'est bien, pour une fois, je vais pouvoir avoir J+1 en entier, puis je vais pouvoir regarder Khazar jusqu'au bout, tu vois. Et ben, même pas, mon gars, il a fallu que je m'endorme juste après le match du PSG. J'ai quand même mort sur comme un mort sur mon canapé. Je me suis réveillé à minuit et demi. Ouais, genre, je l'ai revu du coup ce matin. Mais Du coup, moi, j'ai tout vu. C'était rigolo. Paris, qui donc, on l'a pas dit, est officiellement champion de France depuis hier après-midi. Et le match nul de Toulouse à Lille. Paris champion pour la 8e fois, qui égale, je crois, qui est juste derrière Nantes à 10 titres. Marseille à 9, Monaco à 8. Ils égalent Monaco. Paris à 8, mais je crois qu'il y a un troisième club à 8. Lyon. Lyon doit être à 7. Bah non, Lyon est à 7. Nous, on est à 6. T'as dit Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne. Non, c'est Saint-Étienne à 10 et c'est Nantes et Monaco à 8. Voilà. Et Marseille à 9. Et Paris maintenant et à 8. Va à et Bordeaux est à égalité à 6. Je crois qu'il y a même Reims qui est à égalité avec nous ou devant nous. Parce que Reims a eu une époque dans les années 50 où il gagnait avec un petit peu Fontaine. Près tout. Entre autres. Oui, Copa, c'est bien. Surtout, Raymond Coppa, Fontaine. Non, mais c'est oui, bien. Fontaine, il s'est blessé rapidement. Il a de la culture, ce garçon, c'est bien. Raymond il Copa en faut un avec petit peu. Son transfert. Qu'est-ce qu'on a ? On est lundi soir, il n'y a pas des masses de matchs de ouf. Il y a un match de Ligue 2 Paris FC Valenciennes. Et il y a Thomas Touré au Paris FC. Je ne sais pas s'il est titulaire. Ah, regardons s'il est titulaire. Et qui pourrait monter en Ligue 2. C'est surtout que ce week-end, j'ai regardé la télé. Donc, et j'ai vu que Thomas Touré était en finale de l'Orange League. C'est vrai? Non, mais ah, mais c'est peut-être une. C'est pas un le homonyme. Tournoi entre joueurs. Hein. C'est non, un homonyme. Non, je te jure que c'est vrai. C'est le vrai Thomas Touré et Valentin Rongier. Donc Touré représente Angers. Ah oui, et Rongier c'est représente entre joueurs. Ils prennent un joueur par club. Non. Ils ont gagné le tournoi des mecs qui. Des... Ah vraiment? Le tournoi de. C'est pour ça qu'ils sont pas bons sur le terrain. On pensait qu'ils regardaient la NBA la nuit, mais non, encore, il s'entraînait. Encore, Rongier, c'est bizarre parce qu'il est bon sur le terrain, il doit faire autre chose que jouer à la console. Quoi, le mec. Bah écoute, Thomas Touré, alors le coach du Paris FC, très connu en Ligue 1, Mehmet Bazdarevic. Bon, peut-être, Adrien, toi, t'es peut-être un peu jeune, mais. Son nom me dit quelque chose. Et sur le banc, Thomas Touré, il est sur le banc. Oui, mais il va rentrer, il va planter. Il est sur le banc, Thomas Touré. Ce soir, le match débute dans 8 minutes. Il y a Napoli-Atlanta. Ouais, Atalanta, parce qu'Atlanta, c'est pas en Italie. Mais c'est bien de faire effort. Il y a Chelsea-Burnley aussi. Pour Atalanta, c'est le club de Bergame. Si vous avez des paris en cours, il y a Chelsea-Burnley aussi, en championnat anglais. Et en championnat en Allemagne, on a Wolfsburg-Francfort. Et pour être parfaitement complet avec toi, Adrien, le Napoli et l'Atalanta, à la 73e minute de jeu, sont égalité, un but partout. Voilà, soyons complets. Bien, c'est... on va donc attaquer le débrief de ce match passionnant et qui nous a enflammé hier. Bordeaux est donc allé s'incliner pour la deuxième fois d'affilée à l'extérieur sur le score. Alors, moins lourdement qu'à Saint-Étienne, mais quand même, musique Ligue 1, musique qui fait peur, elle est où ? Hop, elle est là, paf, elle fait peur cette musique. Et donc allez s'incliner 2-1, but dès la 16e minute pour le Nîmes Olympique de penalty, la petite Panenka de TJ Savanier. Bordeaux avait ouvert le score par Georges Maja à la 13e minute dans la foulée, donc Nîmes égalise et c'est Renaud Ripard sur une de nos spécialités, c'est-à-dire le prendage de but sur coup de pied arrêté qui marque à la 63e minute de jeu. Bordeaux s'incline. Bordeaux. Allez! Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas! On a perdu encore une fois! Vous voulez que je vous fasse la stat qui tue? La stat qui tue? Oui. Bordeaux n'a mené que 63 minutes à l'extérieur cette saison. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Je te dis la stat qui tue, et ça je l'ai sorti sur Twitter, c'est que tu nous l'avais dit vendredi, Reims n'a jamais gagné un match. Tu te rappelles ce que je te dis? En étant mené 1-0, on avait dit quoi? On avait dit qu'à Bordeaux il en est capable. Et voilà, on l'a fait. Je vous avais sorti la stat, genre, ils ont, à chaque fois qu'ils ont ouvert le score, ils ont gagné, et à chaque fois qu'ils ont concédé le score, ils ont pas gagné. Ils avaient au moins fait match nul, mais perdu, mais pas gagné. Deux matchs nuls. C'est ça. Et 4 défaites. Réaliser l'impossible, c'est Bordeaux. Quoi. Ah, et ben voilà, fort pour déjouer les paris. Ah ouais, non, mais des fois, c'est là que tu dis j'aurais mieux fait de me taire. C'est chose faite, puisque donc Nîmes était mené 1-0 et Nîmes a quand même trouvé le moyen de battre les Girondins. Alors paradoxalement, on va pas non plus. C'était Bordeaux. Enfin, c'est ça qui est quand même terrible, c'est que Bordeaux fait, je trouve, un match correct. On tape deux fois les poteaux, au moins une première notamment mi-temps sur correct, un coup franc de Préville de 30 mètres ou 35 mètres, je sais pas combien il est. Et sur une frappe de. Sur 28, 30. Et sur une frappe en deuxième mi-temps. Première mi-temps d'Otavio qui touche aussi le poteau. Pourtant, tu fais un match correct. Enfin, franchement, quelle occasion ont les Nîmois, excusez-moi. Quoi. Sur la première mi-temps, mais finalement, on aurait dû s'en rendre compte au bout de la première mi-temps. T'as deux poteaux. Et puis tu te fais égaliser sur un vieux penalty tout pourri où Koundé, on sait pas pourquoi, il met la main. Voilà, j'avais Serge. Sur Koundé, mais bon. Ouais, j'ai revu l'image, il met un peu la main sur le bras, mais ça l'empêche pas de. Et ça le déséquilibre. Voilà. Et pour moi, non, mais à partir du moment où il y a la VAR, il doit y avoir totalement. C'est pas flagrant. Mais je m'en fiche. La VAR, ils disent erreur flagrante. Là, c'est pas flagrant. Seb, je m'en fiche. Il y a une faute sur Koundé avant qu'il touche le ballon à la main. Donc du coup. Ils disent il y a le mot flagrant dans le truc. Et là, c'est et pas donc, flagrant. Du coup, c'est pas flagrant que ça le déséquilibre. Franchement, honnêtement, moi, je l'ai revu l'image. Tu vois clairement qu'il y a un déséquilibre au niveau des épaules et que du coup, il ne peut pas aller directement vers le ballon. Oui. Il fait quand même. Encore, il aurait pas fait le geste après, je te dis d'accord. Le problème, mais là, c'est qu'il manque d'expérience. Il manque d'expérience. Il doit tomber au sol. Mais ça, c'est le reproche qu'on fait tout le temps aux Girondins, c'est qu'on n'arrive pas à apprendre de nos erreurs. Mais regarde, quand tu tombes de Préville qui se fait découper, dernier défenseur et compagnie. Le mec ne prend pas de carton rouge. Ah oui, il y a même pas faute. Juste sur ça, on arrive quand même à ouvrir le score. Et je trouve que c'est plutôt l'ouverture du score est plutôt logique parce que Nîmes est totalement anesthésié sur ce premier quart d'heure. On ouvre le score. Une bien belle action en plus, bien amenée côté gauche avec le centre de Sabali qui trouve le petit Maja. Voilà. Alors c'est pas le but le plus dur qu'il ait eu à mettre, mais quand même. Il fallait être là, un bon petit décalage, je crois que c'est Otavio qui décale Sabali. Sabali qui réussit un centre enfin. Comme quoi, quand tu centres à ras de terre et que tu veux pas mettre après un grand truc en l'air, ça marche aussi. Et dans la foulée, Nîmes qui égalise, mais franchement, moi, cette défaite, autant Saint-Étienne, il n'y avait rien à dire. Et ça m'a. Bon, cette défaite, elle est frustrante. Ah ouais, franchement, cette défaite, elle fait chier. Surtout, il y a des petits à côté, tu vois. Genre... Tu fais un match qui est correct, quoi, t'es pas nul. En tant que mot. Et tu retombes dans tes travers de concéder une demi-occasion. Et avec la mauvaise foi de supporters qu'on peut avoir, voir les Nîmois autant à terre, où j'ai eu l'impression qu'ils tombaient tout le temps, et Savanier. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Non, mais Savanier. Savanier qui a fait 7 fautes, et il a pris aucun carton jaune. Il n'y a eu aucun carton côté Nîmois et 4 côté Bordelais. Koundé, voilà. Jovanovic, Camano, De Préville. Voilà. Bon. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un de ces 4-là qui ratera Angers. Mais je me rappelle plus lequel. Je crois que c'est Kamal. C'est pas Jovanovic parce que Jovanovic. C'est Koundé. C'est Koundé qui va rater pour la première fois de la saison. Il était présent à tous les matchs de Ligue 1 depuis le début de saison et je crois que Koundé ratera le match du SCO. Mais normalement tout le monde sera là pour Lyon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Adrien. Quand j'oublie, il faut me y faire penser. Et ben je te le rappelle. Allô, on a qui au téléphone? Tard. Salut Tard. Salut. Comment ça va? Ah ouais. Bon, ce match à Nîmes, je donnais bon pronostic, mais c'est 2-1 pour Bordeaux. Ouais. Bordeaux qui fait un match malgré tout quand même correct. Enfin, franchement, moi je suis ressorti de ce match-là, j'étais plus frustré que. Écoute, quand on a ouvert le score, c'est bien amené, je crois que ça part de Depréville. Depréville, Otavio, Sabali et Maja. Comment il s'appelle Sabali et centre de fer, Maja et Floge. C'est à peu près le même but que met l'autre, là, Debuchy contre Bordeaux. C'est exactement le même. Voilà. C'est exactement le même qu'on prend la semaine d'avant. Ceci étant, moi, je vous appelle parce que j'ai les boules, là. Le nombre d'autres qu'on pense en coup de pérette, ça commence à me gaver. Ouais, on y reviendra plus tard dans l'émission, on va se pencher dessus. Voilà, ça m'agace énormément. J'ai pas compris pourquoi Koundé me met cette main de merde, là. Non, c'est Koundé. Koundé, ouais, pardon. Là, je suis un peu remonté, là, je te veux dire. Ouais, c'est gavant, parce que tu vois la marque, bordel, je dis, c'est bon, quoi, ça se présente bien. Et surtout, t'es pas en danger de tout match, mais, t'es pas en danger. Comme je sais pas qui c'est qui a dit tout à l'heure, je sais pas si Adrien ou toi, les mecs, là, ils montent de D2, et ils jouent le vieux briscard et nous, peut-être avec 15 ans qu'on est en Ligue 1, et on n'est pas foutus. Il s'est fait découper de Préville, il devrait se tordre par terre. C'est le mec qui prend le rouge. Il se tord par terre. Oui, pas mais non, je veux dire, ouais, il pas assez. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est oui. C'est gavant, quoi. Les arbitres ont dit, ils vont regarder. Enfin, je veux pas dire que c'est l'arbitre, de toute façon, c'est notre faute. Hein. Il n'y a qu'à planter des buts. Ceci étant, tu me dis que c'est vrai qu'on voit la marque. Mais combien d'occasions on a? Oui, mais alors si on va par là, je te dis combien d'occasions ils ont Nîmes. Ils ont une demi-occasion dans le match, c'est le corner et c'est tout. Il y a un souci, qu'on a, je le souligne encore une fois, c'est que putain, on a un super coup franc à l'entrée de la surface. Ça fait plusieurs fois qu'on doit tuer le match. Si on a un frappeur style Wendel, ah oui, mais on l'a pas. Ça va donc, fond, oui, tu parles de la frappe de Basic qui est passée à côté. Tout à fait, oui, mais la même dessus. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi c'est pas De Préville qui le tape, puisque 5 minutes avant, il en tape un, il est chaud bouillant, il prend le poteau. Oui, mais le tape de loin, oui, il le met en hauteur, il retombe sur l'équerre. Oui. Si je dis pas de conneries, oui. Oui. Et la frappe de Otavio, c'est les cadrés. Moi, je sais pas pourquoi il la met à droite, il la met à gauche, il est mort. Oui, mais bon, après, c'est... Des fois, ça va un peu vite, et voilà. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, là, Otavio, c'est pas interdit de marquer des buts. Hein. Eh oui, d'accord, mais voilà. Il fait pas exprès de la mettre sur le poteau non plus. Non, je dis pas ça. Je dis simplement que c'est rare les fois où, tu vois, il frappe, c'est un peu comme... C'est pas rare, oui, le nombre de fois où il frappe. C'est rare quand il cadre. Oui, c'est pas pareil. Tout à fait. Des fois, il cadre, mais c'est pas fort. Il y a ça. Et c'est vrai que tout cumulé, ça fait beaucoup. Quand il est rentré Pungé, je crois. Alors, attends. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il rentre oui. Yassine Adli à la place du petit Loré, Maxime Pounjé à la place de Zaïdou et Jimmy Briand à la place de Maja sur blessure. Je te finis le truc. C'est, il déborde, je crois. Il centre. Et, enfin, il rentre dans la surface. Il met à rentrer le ballon. Comment tu dis, Camano met la main dessus. Oui, ça c'est. C'est plus difficile de la mettre en dessus que dedans. On est d'accord. Moi, on est d'accord. Voilà quoi, c'est gavant. On est d'accord. On va me dire que ouais, il était le corps penché et tout. Non, mais contrairement à Saint-Etienne où on n'a vraiment pas existé, à part peut-être une demi-heure en première mi-temps, là, t'as ben voilà, t'es, moi je pensais vraiment qu'on allait se faire bouffer, je disais vendredi, je pensais qu'on allait se faire défoncer sur ce qui fait la force de Nîmes, c'est-à-dire le combat, l'intensité, l'agressivité, l'engagement. Ben, on a été présent sur ces trucs-là. Dans le combat, dans l'agressivité, dans l'engagement, on était présent. Et malgré ça. Parce que t'es pas bon dans un domaine qui serait coup de pied arrêté, t'es catastrophique, bah tu repars avec 0 alors que tu pourrais repartir avec 1 et peut-être même voire 3. Ouais, minimum 1 point. Pourquoi je t'ai dit on va gagner, c'est parce que quand on était à Saint-Etienne, il y avait l'équipe CFA pratiquement. Oui, il y avait beaucoup de. Il y a beaucoup de jeunes, hein. Beaucoup de remaniements. Bon, on a tenu une demi-temps, je dis c'est bravo, c'est bien. Mais là, je veux dire, contre Nîmes. On récupérait les mecs. T'as récupéré. T'as pas récupéré non plus tant de. Eh ben. Oui, t'as récupéré de Préville déjà. Par contre. On est en train de perdre Cyril en direct. Ça oui. Tout. Non, on est en train de perdre Cyril qui. Il est malade. Ouais, le pauvre, il a eu. Il a le nez plein. D'éternuement bizarre. Ah, c'est mauvais signe ça. Ah putain, c'est l'hiver. Winter is coming, le pauvre, il s'en est pas remis. Oh, l'hiver est là. L'hiver est là, le pauvre. Il y a un truc qui m'a franchement, de vous à moi, là. Oui. Écoute-moi, quand il est rentré, comment tu l'appelles, Briand, oui. Il a rien branlé, excusez-moi l'expression. Bah. Il nous apporte quoi? Mais attendez, après, est-ce qu'il a été servi? Parce que. Écoute-moi, moi j'avais pitié de lui, putain, je regardais le match. Et quand il a fait un aller-retour. Quand tu as joué avant le centre, tu es mort. Si tu... Mais c'est pas ça le plus, problème. C'est pas... Le problème, c'est pas ta pointe. Sur le pressing, oui, mais sur le pressing, il était toujours 4 mètres. Enfin, écoute, moi, je sais pas. Le gros problème que tu as, c'est qu'il n'est pas soutenu. Oui, c'est-à-dire que ta pointe, tu as une pointe et tu as un mec derrière qui a 20 mètres. Mmh. Attends. Ça sert à quoi d'aller faire le pressing? Oui, mais attends. Souvent, surtout contre Lyon, quand il a gratté les ballons, Il a merdé les premiers relanceurs, ça fait pas but. Je suis en train de regarder en même temps il est rentré, je te coupe. Hein. Il est rentré, il est frais, hein. On est d'accord. Mmh. Il rentre à la mi-temps en remplacement de Maja qui sort blessé, oui. Oui, mais il est frais, le mec. Mmh. C'est vrai que j'insiste lourdement là-dessus. Et moi, je vous dis, franchement, j'avais pitié pour lui. On aurait dit qu'il faisait faire le taureau, mais merde. Je sais pas comment t'expliquer. Il n'y allait pas franco. Et moi, ça m'agaçait parce que j'ai comme l'impression que quand le mec il rentre en remplaçant à Bordeaux, ben, il n'a pas envie de jouer, le mec. Après, il n'y allait pas franco, mais il y a un problème aussi. Si le pressing n'est pas coordonné et qu'il est tout seul à y aller. Et puis, il y a quelque chose, mais ça, c'est depuis le début de saison que c'est. Enfin, c'était peut-être moins le cas avant, mais là il y a un truc quand même qui j'aimerais que Souza il m'explique. Alors ça fait que 5 matchs qu'il est là, donc évidemment. Mais tu commences le match avec comme joueur 10 offensifs, Camano, de Préville, Maja, ça fait 3, et tu finis. Ouais, mais oui. Mais si, en fait, oui, c'est Zaïdou, mais moi Zaïdou, enfin Camano. Enfin, moi on me dit Zaïdou, c'est un joueur offensif, ça me fait rigoler. C'est quoi, normal, c'est normal que Camano joue sur un côté, il ne sait faire que ça. Oui. D'accord, mais tu finis mais le match. Mais il n'est pas sur son côté préférentiel. Mais attends, les gars, vous avez vu qu'il a fait jouer à droite. C'est quoi son côté préférentiel? C'est le côté du banc ou c'est à gauche ou à droite du banc? C'est à gauche, lui c'est à gauche. Bah, il a fait jouer à droite. Après ça. Samedi. Il a joué à droite. Oui. Il a marre des faux pieds. À un moment donné, ça commence à lui faire pied, les faux pieds. Il a dit qu'il était complètement paumé. T'as Caramo sur le banc en début de match. Alors, concernant le secteur offensif, moi, il y a quand même. Il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Alors, on a l'impression. Je trouve que, bizarrement, depuis que Cornelius est blessé, c'est pas que c'était beaucoup mieux avant, mais à chaque fois, ses entrées en jeu étaient toujours très intéressantes. Bah, il pesait quand même sur une défense. Et depuis que ce garçon, tu l'as plus, et tu l'auras sûrement plus l'an prochain, parce qu'il va repartir en. Mais surtout que tu as aucune pointe. Merde, il va rentrer dans son club, ouais. Et on l'aura sûrement plus. T'as plus ce gars-là là qui faisait le. Mais t'as plus ta pointe là grande, ta tour Eiffel qui peut te servir sur des matchs. Marre. À un moment donné, il y en a marre de, d'avoir des grands dadés devant qui te servent qu'à juste à balancer et à sauter ton milieu. C'est pas ça que veut Paulo Sousa. Ce que veut Paulo Sousa, c'est une construction. C'est que ça départe de tes trois défenseurs centraux, que tu trouves tes relayeurs, qui trouvent les mecs sur les côtés et que ça joue. Sauf que quand t'as Briand, que quand t'as les mecs qui s'emmerdent plus, maintenant il faut des grands ballons de 60 mètres et c'est des merdes toi. Et aujourd'hui, moi, quand je vois ça, mais moi je suis à la place de Sousa, tu vas faire un tour sur le banc, tu vas aller en National 2. Et c'est ce qu'il a fait avec Sankaré, c'est ce qu'il va faire, j'espère, avec Camano, parce que Camano le mérite, parce qu'il a clairement pas montré un état d'esprit qui était professionnel le, sur ce match-là. Le problème de Camano, c'est qu'il faut le vendre. Non. Et si tu veux, le problème de Camano, c'est l'état d'esprit. Oui. C'est-à-dire que plus tu le vois jouer, plus tu vois que c'est feignant, oui. Et donc plus sa cote baisse. Mais ben justement, donc, si alors tu que veux... si tu déclares qu'il est blessé. Ah, eh bien, au moins, le mec, il est blessé jusqu'à la fin de la saison, si il ne jouera plus. Qu'il est blessé et qu'il ne l'est pas, c'est un peu embêtant. Non, mais attendez. Parce que lui, il peut dire derrière, moi, non, je ne suis pas blessé. Oui, ça n'a jamais gêné le club de le faire avant. Non, je parle pas du club. De mettre des joueurs blessés qui n'étaient pas vraiment, ça a jamais dérangé le non, club de le faire. Non, je parle du joueur, de foutre la merde, de dire non, moi je suis pas blessé, c'est eux qui disent ça pour me saquer. Moi je me souviens de Savic et compagnie que ça a été fait, et ça a jamais dérangé le club de le faire pourtant. Donc quand on refasse. Pour recentrer un petit peu sur ce match. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on se fasse, mais vraiment bouger par cette équipe de Nîmes. Franchement, tous les points forts dont on parlait vendredi avec Cyril, Seb, oui. J'ai une petite information, mais bon, paraît-il qu'on a des scouts maintenant. Bah depuis. À Bordeaux, depuis non, mais arrivée, toujours prêt. T'en as plus que qu'avant, on va dire. Ouais. Alors il y a un mec là, il s'appelle Bagdad Bounedjah, là, c'est un Algérien. Il a 35 buts en 19 matchs. Oui, il est au Qatar. Au Qatar. Il ne manque qu'à partir, le mec. Oui, mais je crois que sa cote est haute, non? Oui, mais la cote, elle est haute. Comment ça, oui, mais c'est pas ça, c'est qu'il n'y a personne qui est dessus. J'en ai simplement entendu parler. Après, je connais pas personnellement le championnat qatari, mais... Il joue à l'équipe d'Algérie, c'est un mec, écoute, il jouait, parce que là, il s'est fait détrôner, là. Mais c'est un mec, il te met 35 buts là-bas, si t'en mets 15 à la maison, chez toi... Ah oui, on sera tous très contents. Ah oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des mecs, on n'a pas de véritable attaquant. Maja, il en a mis 30 en Angleterre, en Division 3. Il est arrivé, il tient pas un coup d'épaule en France. Non, mais sauf que là, il y a beaucoup de commentateurs. Je vous donne le nom, vous allez sur Internet, vous allez voir. C'est Bagdad. Bagdad, comme la ville. Bagdad, oui, si on doit aller chercher un Algérien, autant qu'on aille voir chercher Slimani qui veut partir. Ouais, c'est pas... Moi je parle de bons joueurs. Et autant aller chercher Ounas. Ou Riyad Mahrez. Attends, il va se barrer de Naples. Slimani ne joue plus. Je vous dis, Slimani, tout le monde le veut. C'est normal, il est bon. Les mecs qui sont pas bons, personne en veut. S'il vous plaît, on va recentrer un peu quand même, parce que là on part un peu n'importe où. Mais on va recentrer sur Nîmes. On termine Nîmes et puis après on passera. Mais on n'a pas d'avancement, ton bordel. Eh ben oui, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux faire? On va attendre cet été. Moi je suis content que Maja ait marqué. Oui, déjà c'est bien pour lui. Le problème c'est que Maja, dès qu'il joue depuis 30 minutes, il se blesse. C'est bien pour lui, sauf qu'après le pauvre, voilà, bon bah il s'est blessé. J'ai même pas vu l'image. Non, bah c'est. Et puis lui, quand il a tweeté, il a pas fait. On n'a pas de nouvelles de sa blessure. Donc, ils ont fait le test du palier pour voir s'il y a des crampes. S'il vous plaît, ça doit sûrement pas être très, très, non, très méchant. Bon, après, voilà, il va peut-être rater un match ou deux, puis il reviendra au prochain, c'est pas bien grave. Et sinon, Kalou ? Avec un peu de chance, on récupère Kalou. Lui, il nous manque. Ça pourra compenser. Non, mais sur la compo de départ, le petit Loré est titulaire pour la deuxième fois d'affilée. Il va continuer parce que si tu me dis que Koundé est blessé, non, il y a pas. Ah oui. Ah non, mais non, il est pas Angers contre. Non, contre Lyon, il sera là. C'est contre Angers. Contre Angers, le suspendu. Le petit Loré donc a fait sa deuxième apparition d'affilée. Til Sissoko, lui, a disparu, mais du fait du retour de Jovanovic. Il est parti en CFA, il est parti en national. Voilà, que Jovanovic qui a fait son match, je trouve aussi pour. Oui, mais défensivement. Pablo, il revient pour Lyon. Ouais. Ah. Ouais. Non, mais défensivement. Enfin, défensivement, qui reviennent. Oui. Mais après, défensivement, dans le jeu, ça craint, putain, défensivement. Non, mais tous les points forts, ni moi, qu'on avait pointé vendredi, je suis désolé, on les a pas vus. Savanier, Bobichon, Alioui, Bontchou, Bilimi, ils sont sauvés. Ils sont... Bozoc, c'est le fantôme du Bozoc de l'année dernière en Ligue 2. Ils sont passés complètement à côté de leur première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, ils se sauvent grâce à un coup de pied arrêté, point. Et il mène après, c'est tranquille. C'est justement ça qui nous embête après. Surtout la différence entre la première et la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, ils n'avaient plus qu'à attendre. C'est nous qui avons baissé en intensité en deuxième mi-temps. Aussi. Donc, je pense que là, pour le coup, d'habitude, on dit toujours que c'est les autres qui ratent leur première mi-temps. Et après, tu vois, Saint-Etienne, c'est ce qu'on avait dit, que Saint-Etienne avait joué à sa première mi-temps. Et Saint-Etienne a raté sa première mi-temps. Ils ont réussi leur deuxième. C'est ce qui fait que Saint-Etienne a gagné. Autant, je pense que contre Nîmes, Bordeaux a réussi sa première mi-temps et s'est foiré sa deuxième mi-temps et c'est pour ça qu'on perd. Mais moi je sais pas quoi dire. Honnêtement, cette équipe elle là, elle manque de caractère, elle manque de talent, elle manque de tout quoi. C'est-à-dire que vivement cet été, tu prends un gros truc de lessive et tu fais un gros ménage dans cette L'Ajax. Cette... Après. Je voulais pas le dire parce que. mais je l'ai senti. Après quoi voilà après c'est... Il faut quand même finir cette saison dignement et sans parce que voilà bon on a encore perdu une place, on est passé de la 13e à la 14e place. Là tu vas jouer Lyon, tu vas jouer Lille encore. Ce qui est frustrant aussi c'est que même dans le trio offensif que tu peux avoir, à la limite ta satisfaction c'est de Préville offensif. Non mais t'as de Préville qui voilà avec de Souza Paulo Souza a eu un plus et moi ce qui me manque un joueur que j'aimerais voir, on espère qu'il va revenir de blessure, c'est Kalou, où là tu sais que Kalou et Depréville ça peut être potentiellement tes joueurs offensifs en plus d'un troisième qui peut être Madja pour terminer. On n'a pas du tout parlé pour finir rapidement et après on passera à la suite. On n'a absolument pas parlé ni de Basic, ni d'autre, enfin grosso modo du milieu de terrain. On a parlé de la défense, on a parlé de l'attaque. C'est ce qu'on dit, ils ont fait une bonne demi-heure et puis après ils sont éteints. Mais le problème de. Mais moi, alors déjà, c'est ce qui est énervant avec Ottavio et Basic, après ça se travaille. Mais c'est qu'ils avaient tendance à toujours pas aller vers l'avant. Ça veut dire qu'il se projetait pas assez. Ça, c'est Basic. Plusieurs fois, il avait la possibilité de se projeter. C'est Ottavio, moi, que j'ai vu. Et il attendait. Ottavio a fait la même chose. Ottavio, moi, j'ai surtout vu aller derrière. Et dès qu'il allait ou sur les côtés ou devant, il perdait la balle systématiquement. Mais c'est le problème. Mais après, il faut qu'ils apprennent sur ce système. Mais il va falloir qu'ils comprennent que c'est des milieux et ils vont avoir avec ces joueurs sur le côté, ils peuvent avoir un boulevard au milieu. Donc il va falloir qu'ils se projettent. Et ça qui prennent Ottavio plus. Ottavio est très très bon dans le pressing, mais le problème c'est dès qu'il récupère le ballon. Dès qu'il récupère le ballon, il le perd. C'est ça le problème. Alors, là, comme, et comme il le perd haut, et ben derrière, je sais pas s'il a perdu beaucoup de ballons. Mais alors, c'est peut-être aussi. Le nombre de passes qu'il a envoyé en touche ou à 3 mètres du joueur, le ballon est perdu. A voir aussi si à chaque fois il a des solutions évidentes de qu'on lui propose aussi des solutions aussi, de passes. A voir aussi le nombre de saucisses qu'il a envoyé. Parce que quand t'as un joueur qui est arrêté, que tu lui mets un ballon 3 mètres devant, et que voilà, et le mec il est arrêté. Tar, avant de nous quitter et de passer à la suite, si t'as quelque chose à rajouter sur Nîmes ou non, pas? Non, pas sur Nîmes, sur Bordeaux. Oui, enfin, sur. Non, mais sur le match de Nîmes, quand oui, je dis Nîmes, ouais. sur le match que t'as vu hier. Avant-hier. Non, hier, bro, je suis perdu, je peux faire avant-hier. Ouais, vivement l'an prochain, c'est ce que je peux dire, parce que là, c'est désolant, hein. Moi, je. Il y a du mieux, c'est vrai, mais bon. C'est Bordeaux, c'est pas Guingamp, merde. Bon, ouais, c'est, avec le respect que je leur dois, mais merde, c'est vrai, c'est chiant, quoi. Tous les lundis, tous les vendredis, on s'en rencontre les mêmes conneries. Ouais, sans les mêmes accords. Non, mais c'est vrai, c'est gavant. Sans les mêmes accords. Tout ça pour être gagné contre Lyon vendredi. Merci Tahar. On va continuer parce qu'on a d'autres personnes derrière toi. Merci ouais, à toi. Écoutez, salut à tous. Voilà. Et puis, vendredi, bon match. Alors, j'insiste lourdement. Les coups de pied arrêtés, le coup franc, on les utilise jamais à bon escient, ainsi que les corners et ainsi de suite. Ah, ça, c'est. Alors c'est, que c'est nos adversaires, mal, cette ils saison. Utilisent. Ah, ils sont pas fous, ils le voient qu'on n'est pas bon hein, sur ce genre de choses. Merci. Merci, Tahar. Bonne soirée. Salut. Ciao. On va continuer donc. Avant de passer, avant de faire Lyon, on va s'atteler de suite à ça justement, les problèmes Le problème, le mal bordelais cette saison. Je suis en train de revoir rapidement les... Je vous avais pas donné les trucs. Je regardais vite fait les stats. Toutes les stats de, sur ce match-là sont en faveur des Girondins. Et malgré ça, on trouve le moyen de perdre de buts à 1. Il y a quand même des choses, des fois, qui... Voilà, tu tires plus, tu cadres plus, tu fais tout plus. Et tu perds le match. Le mal bordelais, messieurs, cette saison... c'est les coups de pied arrêtés. On en parle depuis le début défensif de l'année. Défensif et offensif. Ah oui, alors là pour le coup, il n'y a pas de. Voilà, là c'est défensif, offensif pas dans tous les domaines. J'ai quelques chiffres à vous donner avant qu'on lance la discussion là-dessus. Déjà, environ 50% des buts bordelais pris en Ligue 1, je compte que la Ligue 1, cette saison, le sont sur coups de pied arrêtés. Alors, vous allez voir, c'est assez terrible. Les phases arrêtées coûtent très cher. Bordeaux a encaissé. Alors attendez que je. Les Marinés blancs gardent une défense assez peu perméable. Bordeaux n'a encaissé entre guillemets que 36 buts. On est la cinquième défense de Ligue 1, donc on peut pas dire qu'on soit une mauvaise défense. Même si on a l'impression que on prend beaucoup de buts, c'est surtout qu'on en marque pas. Voilà. Donc. Mais on est la cinquième défense, donc tu te dis il y a pas non plus le feu. Et alors dans le détail. On a pris un but sur coup franc direct, c'était le match aller face à Nîmes. Un coup franc indirect face à Toulouse, à la 25e journée, très récemment. On a quand même concédé 6 pénaltys. Alors, certains diront, ouais, mais il y en a qui étaient. Ok, mais t'as quand même concédé 6 pénaltys. C'est-à-dire qu'il y a 6 fois où l'équipe adverse a été en situation de provoquer un danger. Et c'est là où la stat, elle fait mal. 9 sur corner. Et 2 sur des corners joués, dit à la rémoise, en deux temps. Donc ça fait 11 buts sur. On est à combien là 30. Ça fait surtout plus de la moitié qui sont sur coup de pied arrêté. Et plus de la moitié sur, coup de pied arrêté, c'est assez problématique. Quand t'es la dernière équipe sur coup de pied arrêté. Et on est la pire équipe. Pire équipe sur coup de pied arrêté et deuxième équipe, deuxième défense de Ligue 1 dans le jeu. C'est ça, pour être très précis. On est amateurs sur ces phases-là. C'est ça. On est des amateurs. Oui, mais alors, ok. On est des amateurs, mais à tous les points, comme on en discutait tout à l'heure en off, c'est-à-dire que tu fais une zone sur tes joueurs qui sont statiques. Là, il n'y a personne qui joue, c'est-à-dire qu'ils sont tous immobiles. Normalement, en plus de ta zone, tu as toujours le meilleur marqueur, enfin le meilleur joueur de tête ou les deux meilleurs joueurs de tête de ton équipe adverse qui sont pris en individuel. Là, les mecs, ça lâche le marquage de partout. Et troisième point, c'est que tu n'as aucun stop pour casser des courses ou. Il n'y a rien de tout ça. Et en plus de ça, tu as un goal qui ne sort jamais sur coup de pied arrêté. Sur corner, il est toujours sur sa ligne, il ne bouge jamais. Sors, rentre dans un joueur adverse, plonge, tombe par terre, fais quelque chose. Un goal qui est touché par un adversaire, c'est faute. Joue-en. À un moment donné, moi je trouve ça mais fou, c'est fou. Moi le mec, quand je vois Ripard qui est à côté de Costil, sur le début du corner, le corner est tiré, il fait 3 mètres pour revenir aux 6 mètres. Il n'est pas suivi, il est au premier poteau, il prend le ballon, il fait une tête qui est de merde. Parce que le ballon, il va sur le. Il rebondit par terre. Oui, il y a un rebond sur la ligne. Il y a un rebond sur la ligne. Ça me rend fou. Oui, mais bon. Alors, ça me rend fou. J'ai l'impression. Mais franchement. Donc le constat, il est là. On est nul. Bon, c'est bien. Non, mais là, on va essayer de voir. C'est que moi, je te dis. Mais il n'y a aucun travail. Non, mais. Aucun travail fait depuis un an. Ça s'appelle le constat. Maintenant, on va voir au-delà du constat. C'est bien de constater. On vient de le faire. On est nul. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle, il y a quelques. Mais à part les frapper, je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Non, c'est très intelligent. Les coups de pied arrêtés, les frapper. Il y a quelques saisons de ça, la première année où Angers remonte en Ligue 1, tout le monde louait la stratégie angevine sur les coups de pied arrêtés, ou notamment Check and Doy et consorts sans donner à cœur joie. Angleterre, la Coupe du Monde. Et on découvrait qu'Angers avait, alors je vais peut-être essayer de retrouver le nom de ce monsieur, et encore c'est pas sûr que j'y arrive, Angers avait engagé un coach spécifique, exprès, qui ne s'occupait que des phases arrêtées, offensives et défensives. Et d'ailleurs on disait, oh putain, Angers il marque que sur coup de pied arrêté. Oui, mais c'était pas un hasard, c'était pas juste un gars qui balance un coup de pied dans un ballon et un autre qui met la tête, c'était spécifique, stratégique. Voilà, c'était travaillé. C'était avec un mec. C'était à la Coupe du Monde. C'était à la Coupe du Monde. T'as un coach, un sélectionneur, Pascal Grosbois, voilà, qui a été génial. C'est Gareth Southgate. Il t'expliquait que sur coup de pied arrêté, ben en fait, il s'était inspiré de la NBA, c'est-à-dire en mettant en place des pick and roll, enfin pas des pick and roll puisque c'est du basket, mais des stop and go, c'est-à-dire avec des mecs qui étaient là pour casser des lignes, pour permettre de l'espace derrière pour aller chercher des joueurs qui fassent des courses croisées et compagnie. Aujourd'hui à Bordeaux, il n'y a aucune stratégie sur tes coups de pied arrêtés. T'as des joueurs qui sont immobiles, qui sont inagressif, ça se dit pas, mais inoffensif. Oui, enfin, ils sont pas du tout dans l'agressivité. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont, attentistes, ils sont mous. Et sur coup de pied arrêté, c'est que de l'agressivité. Et à partir du moment où t'as ton goal, ta défense, tes milieux et tes attaquants qui sont mous dans cette zone de vérité là, mais forcément, toi, tu ne marques pas de but et tu prends des buts. Alors, alors ça tombe très bien. J'ai retrouvé le nom de ce monsieur et surtout. Gareth Southgate. Non. Le mec d'Angers. Mais on s'en fout, t'as pas un tireur à Bordeaux. À Angers, ils ont Mangani. C'est pas ça le problème. Il dit, sa théorie, elle est simple. Il a mis une méthode au point. Mais je veux dire, comment, quand t'es en difficulté, comment tu peux continuer à ne pas. Enfin, voilà, il dit, les buts marqués sont de trois façons, attaque placée, attaque rapide et coup de pied arrêté. Donc déjà, les buts que tu marques sur coup de pied arrêté, c'est un tiers potentiellement des buts que tu peux marquer dans la saison, sans même parler de l'aspect défensif. Et il explique, il dit, j'en ai marre des corners qui dépassent pas le premier poteau, les autres qui finissent au troisième, les coups francs tirés dans le mur, nanana. Et donc il a mis une méthode au point, il est allé observer, alors ça remonte à quelques années, parce qu'il avait observé, voilà, Juninho à Lyon, Bordeaux, il dit, quand les Girondins sont champions, ils avaient un taux de réussite sur coup de pied arrêté avoisinant les 50%, c'est énorme, ça veut dire qu'un coup de pied, un coup franc sur deux est décisif. C'est monstrueux. Alors là, on parle des coups de pied offensifs. Et ce monsieur a travaillé avec Angers. Il dit, l'entraîneur Dusko m'a sollicité l'année dernière pour aider le club à monter en Ligue 1 parce que son équipe était déficiente sur les coups de pied arrêtés. Je suis intervenu les deux derniers mois, mais même pas toute la saison, deux mois pour le Money Time. Et à partir de ce moment-là, ils ont mis un but sur deux grâce aux coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est si aberrant de ça, de se dire, mais pourquoi Bordeaux va pas chercher, alors pas forcément ce monsieur, mais quelqu'un spécialisé dans ce domaine et qui leur fait travailler que ça ? Offensif, défensif, coup de pied arrêté. Si on n'est pas capable de le faire par nos coachs ou par notre staff ou j'en sais rien, ben faisons intervenir quelqu'un de l'extérieur. Mais là, c'est pas possible. On va pas continuer la saison prochaine comme ça. Enfin, ah non, mais c'est pas possible. Faut tous les... Il y a un truc qui va pas quand même. Non, mais honnêtement, je pense pas que le Paulo Sousa, il doit forcément le voir à un moment donné. Ah ben j'espère. Mais le problème, c'est que tactiquement, t'es naze dans le jeu et dans les coups de pied arrêtés. Le problème, c'est ça, c'est que cette équipe-là est d'un tel niveau amateur que. Déjà, t'as pas de joueur de tête. T'as pas de joueur de tête. Ou très peu. T'as pas de joueur rigoureux. T'as personne qui comprend les tactiques et compagnie. Enfin, si, il y en a, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la majorité de ton équipe. La tactique, Cyril, on te dit, ton gars, sur le corner, tu le marques, tu le lâches pas. Je te parle du jeu. Je te parle du foot. Je te parle de l'intellect de cet effectif-là. C'est-à-dire que cet effectif-là, intellectuellement dans le football, footballistiquement, c'est naze. C'est-à-dire que ça c'est pas se replacer, ça comprend pas le jeu adverse, ça a aucune lecture de jeu, c'est voilà. Le problème c'est ça, c'est que t'es tout dans l'impact. Je sais même pas dire les mots. C'est un gars, il va aller tout droit, tu vois. Mais Camano va aller tout droit, il va faire son crochet, il va pas réfléchir. On parle des coups de pied arrêtés là, Cyril. Je suis Paulo Sousa, mais qu'est-ce que tu veux qu'il travaille ça? Il va travailler plus les coups de pied arrêtés et derrière tu vas avoir des déficits au pressing parce que les mecs vont plus presser. Ouais, mais actuellement il y a trop de choses à travailler avec ces joueurs-là, faut tout leur apprendre. Mais... On dirait que c'est des pupilles. D'accord. Bon, mais une fois de plus, t'es très bon pour le constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Faut les virer. Mais tu repars sur un nouvel effectif. À partir du moment où on dit, ok, il y a plusieurs urgences, le pressing, le machin, tout ça. Mais ta plus grosse urgence actuellement, celle où t'es le plus nul, où t'as les pires stats, c'est les coups de pied arrêtés. Donc travaille sur tes coups de pied arrêtés. C'est ce que je te dis. Je suis pas certain que Paulo Sousa, ça soit les. Pour moi, quand je vois sa tactique, le 3-4-3, la priorité des priorités, c'est le pressing. Et t'es pas capable de le faire 90 minutes déjà, alors qu'il y travaille depuis six semaines. Il va falloir, hein, parce que j'ai vu passer. Je vais essayer de retrouver une brève. J'ai vu passer une brève où il parle après match justement. Je pense pas qu'il soit bête, Paulo Sousa. Si Paulo Sousa, il le voit, il a 6 adjoints. Combien il a d'adjoints? Je sais pas combien ils sont. 5, 6 adjoints. Ou 7, ou s'il s'y attelle pas, c'est que il n'a pas le temps dans la semaine de le faire. C'est sûr que maintenant, avec le nouveau rythme qu'il y a, au début, ils avaient deux entraînements par jour, ils auraient peut-être pu le faire. Maintenant, on est repassé au bon vieux rythme du Hayan, avec un entraînement par jour, cinq jours par semaine. Mais c'est sûr que c'est compliqué dans le temps imparti de travailler ça. Tiens, tu parlais d'entraînement. Attends, parce qu'en même temps, je... Ouais, c'est ça. Un entraînement, un lundi, un mardi, un mercredi, deux jeudis. Non, un jeudi. Et il y en a même un vendredi matin avant le match face à Lyon. Donc, il y a un entraînement par jour. Si vous êtes intéressé, c'est à 10h30 tous les jours. Il doit y avoir du huis clos. À 16h... Ouais, huis clos jeudi et vendredi. Sinon, c'est lundi, mardi, mercredi, 16h30, c'était aujourd'hui, et 10h30, mardi, mercredi, si ça vous intéresse, c'est les vacances, d'aller voir les Girondins à l'entraînement. Donc pour vous, on fait rien, donc, parce que de ce que je... Non, si, il faut travailler. On laisse comme ça jusqu'à la fin de saison. Et oui, je te dis, trouvons des... Mais les solutions, cette année, premier match, c'est Poyet, après c'est Ricardo, et là, c'est Souza. T'as trois entraîneurs, et ces trois entraîneurs ont les mêmes lacunes. À un moment donné, je veux bien croire que les entraîneurs, ils sont pas bons. Mais si t'as trois entraîneurs qui se cassent les dents avec cet effectif-là, c'est peut-être qu'à un moment donné, c'est l'effectif qui veut changer. Mais après, je me pose une question, et on n'a pas la stat, mais sur les coups de pied arrêtés, je sais plus qui c'était, je crois, Bédoué qui marquait ça, notamment sur l'importance de Cornelius sur les coups de pied arrêtés défensifs. Bah aussi, oui, c'est ce que je dis. Cette tour que t'as presque au premier poteau qui à chaque fois te les prend on avait dit Abate à l'époque. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Sissoko contre Saint-Etienne. Le problème, c'est qu'une fois que t'as passé la tour, après derrière, il n'y a plus personne. Ouais. Alors contre Saint-Etienne, c'est Debuchy qui prend un ballon au deuxième poteau sur un corner. S'il vous plaît, Debuchy fait un mec 83 et 84. À un moment donné, c'est facile à lire. C'est-à-dire que quand tu n'as qu'un joueur qui défend sur coup de pied arrêté, à un moment donné c'est triste, c'est le mot. Bordeaux, ouais, c'est triste. Enfin, moi je peux pas croire quand même que tu as raison. Il y a eu Poyet, il y a eu Ricardo, il y a eu Bédoué, maintenant il y a Paulo Souza. Alors je ne comprends pas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 personnes différentes en même pas un an, même pas 8 mois. C'est quand même pas compliqué de leur dire à la fin de l'entraînement ou pendant l'entraînement, les gars, on va prendre nos deux tireurs de coups francs principaux que sont Basic. Pour moi, la priorité, c'est pas les coups de pied offensifs. Attends, je termine. Et on travaille. Eux, ils travailleront le côté offensif. Et putain, me dis pas, on a un effectif de combien avec les 40 mecs. Le problème, Seb, c'est que t'as un joueur qui est bon à la tête, c'est Cornelius, il est blessé. Il est offensif. Et donc, du coup, comment tu fais pour travailler tes coups défensifs quand tu le mets du côté de ton attaque? Je suis d'accord, mais je sais pas, essaye de travailler au moins, j'en sais rien sur les marquages, sur les trucs, quelque chose. Le gros problème là, que t'as, ça devient ridicule. Le gros problème que t'as, c'est le mental. C'est le mental, c'est l'agressivité, la concentration. Tu te rends compte que les adversaires qui préparent le match aujourd'hui, je pense qu'ils doivent se dire, les gars, coup de pied arrêté, 20-30 mètres, va pas m'expliquer, une chance sur deux, c'est au fond. Va pas me dire que Debuchy, c'est le mental. Le mec, c'est un guerrier, mais il a au casque. J'aimerais bien voir ça. Mais à un moment donné, c'est pas plus dur que ça. Oui, d'accord. Debuchy, qui est d'ailleurs monstrueux depuis qu'il est revenu à Saint-Etienne, au niveau des buts qu'il marque et des passes. Tu serais curieux de voir quoi, t'as dit ? De voir à quel moment on prend les buts sur coup de pied arrêté. Laisse-moi 2 minutes et je te trouve ça. Parce que si on les prend sur la deuxième mi-temps, t'as vraiment cette notion de déconcentration. Je l'avais dans une brève, je te retrouve ça. Laisse-moi 2 secondes. Continue et je trouve ça mais gravissime, mais vraiment. Mais pour moi, la seule solution, c'est de changer l'effectif. Il n'y a pas 50 solutions. Parce que pour moi, à un moment donné, c'est la qualité individuelle. Je ne peux pas penser que trois entraîneurs soient passés complètement à côté de ça. C'est-à-dire que c'est forcément l'implication individuelle des joueurs. Tu crois qu'ils appliquent pas ce qu'on leur... Je crois qu'ils n'ont pas un comportement professionnel. C'est-à-dire que je crois qu'ils ne sont pas concentrés, je crois qu'ils ne sont pas agressifs, je crois qu'ils ne font pas les choses comme il faut. Alors, tu as un petit peu la même analyse que quelqu'un qui est bien connu, c'est Pierre Ménez, puisqu'il dit sur son blog pour... T'as le droit, c'est pas interdit. Nîmes a battu Bordeaux grâce à un but sur pénalty et un autre sur corner. C'était le 11e but sur corner encaissé par Bordeaux cette saison. Ce qui en dit long sur le manque de détermination de cette équipe. Tout le contraire de Gardois qui, eux, ne lâche rien. Il a souligné exactement ce que tu as dit avec des mots différents. Mais tu disais l'envie, machin, tout ça. Lui, il appelle ça manque de détermination. Mais c'est un petit peu. Mais sauf que tout le monde s'en rend compte maintenant, et moi je vous le dis depuis, depuis septembre. C'est vrai qu'on pointait. Enfin, ça fait quand même un moment qu'on s'en rend compte, mais c'est pas, on s'est pas réveillé ce matin. Oh putain, on est juste sur coup de pied arrêté. Mais oui, c'est vrai que c'est, ça traîne. Et encore, ça serait pas grave, comme je te disais tout à l'heure. Tu prends un but par match sur coup de pied arrêté, personnellement, je m'en fous. Non, si derrière t'en marques 3. Mais c'est pas grave si t'en marques 3 par match. C'est pas un souci. Tu veux que je te dise ce qui m'emmerde, c'est que moi, je comprends pas que dans un club professionnel qui ait des millions de budgets, qui ait des moyens qui sont astronomiques par rapport à des entreprises lambda, que tu ne sois pas perfectionniste, que tu ne cherches pas à t'améliorer, que tu n'aies aucun point d'amélioration. Tu as eu un mercato. Tu as eu un mercato cet hiver qui est normalement censé. Pour résoudre des problèmes que tu as en début d'année. Ce problème-là, il était clairement identifié. Le manque de densité défensive et offensive, le manque de présence physique sur les coups de pied arrêtés à la tête, le manque de mental, de détermination, tout ça, c'est clairement identifié. Le manque de caractère, que Paulo Sousa, il en parle. Comment ça se fait qu'on se retrouve, que la saison elle a démarré, ça fait quoi? Ça fait 8 mois. Vous voyez, juillet, oui. 8 mois. 8 mois, et 8 mois, on a toujours les mêmes problèmes que depuis juillet. C'est-à-dire qu'à un moment donné. C'est même pire que ça, Cyril. Non, parce qu'en début de saison, tu marquais des buts. Oui, tu marquais des buts, maintenant tu marques plus. Toi, tu te focalises sur le coup de pied offensif. Moi, je ne parle que de coup de pied. Tu dis, on a les mêmes problèmes, moi, je dis que c'est pire. On a des problèmes qu'on avait. Qu'on marque pas de coup de pied. Si tu prends pas de buts sur le coup de pied défensif, c'est-à-dire qu'au lieu de te prendre, t'imagines. Tu m'as dit on était à combien, 17 ou 18 buts sur coup de pied arrêté? Hors pénalty. Ah non, hors pénalty c'est moins. Hors pénalty c'est 11. Que en championnat c'est 11 ou 12. Que en championnat, on compte buts, pas les coupes d'Europe. 12 buts sur 36, c'est un tiers de tes buts. Non, c'est monstrueux. Je te compte pas les 3 ou 2 que t'as pris à Strasbourg quand t'as fait coupe de la Ligue par exemple. Oui, parce que t'as la Coupe de la Ligue, t'as la Coupe de France, t'as les Coupes d'Europe. Là on parle que du championnat. Mais t'imagines le pourcentage que c'est rien que sur corner. Mais rien que sur corner. Parce que là, après, on pourra prendre les coups de pied qui sont excentrés, les coups de pied directs et compagnie. Rien que sur corner, t'es déjà un tiers de buts encaissés. Alors, j'ai des stats sous le nez, Adrien. Tu m'as demandé but par zone. Donc, but de la tête. Non, c'était pas ça. Non, pas du tout. Tu m'as demandé ça. Oui, par type d'action, pardon. Non, c'était même pas ça. C'était le temps qui était première mi-temps, deuxième mi-temps. Ah, j'ai but par quart d'heure. Non, ça va pas être ça. Bah si, but par quart d'heure. Ouais, mais ça pas de la tête. Oui, mais sur coup de pied arrêté, c'est un indice. Justement, j'ai but par quart d'heure, mais c'est le site de la Ligue, c'est général. C'est pas genre. Mais c'est pas grave. C'est quand qu'on prend le plus de. Premier quart d'heure de deuxième mi-temps, dernier quart d'heure du match. Alors, la période où on prend le plus de buts, c'est. Pourquoi j'ai deux trucs différents? Ah oui, pardon, parce que première mi-temps, deuxième mi-temps. C'est entre la 71e et la 75e minute. On a encaissé 10 buts, c'est 28% des buts encaissés. 61e. En plus, sur une période du match. 4 minutes, en plus, sur une période qui ne sert à rien. 61e et 75e, pardon. C'est-à-dire que c'est la moitié de ta deuxième mi-temps. C'est-à-dire que c'est même. Voilà, c'est ça. Et la deuxième, c'est entre la demi-heure de jeu et la 45e, juste avant la première. La première, prend combien? 7, c'est 19% de tes buts encaissés. Et c'est toujours dans. Ouais. Ouais. Ça. Après, on en revient toujours. Ben là, c'est à un moment donné, c'est aussi l'état physique du joueur. Hein. Parce que si tu manques de lucidité, c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être que ton joueur, il a peut-être pas une hygiène de vie et une qualité de préparation qui est professionnelle. C'est-à-dire que Paulo Sousa, quand il arrive, qui dit qu'il arrive dans un effectif qui a un état physique qui est déplorable. Et c'était quoi les mots? C'était pas déplorable? C'était lamentable, je crois. Que c'était. Enfin bref, c'était quand même un mot qui était quand même très très fort pour dire que les joueurs, ils sont pas physiquement prêts. Ils ont pas une physique d'une équipe professionnelle. À un moment donné, c'est grave comme constat. Et moi, j'attends de lui vraiment, c'est que on va reprendre en juin, fin juin. J'attends qu'il nous fasse une préparation à l'italienne. C'est-à-dire que les mecs, je voulais voir gerber sur le côté. Ouais. Alors ça, par contre. J'espère qu'il va réussir à les. Alors, sans parler de. Enfin, qu'il soit au niveau. Après, peu importe comment il les amène à ce niveau-là, mais qu'il soit au niveau. Mais une préparation italienne, tu vois. Quand Zidane, il te disait, ouais, je suis arrivé en Italie, j'ai laissé mon cœur sur le truc. Quand Matuidi, il arrive 30 ans, putain, j'ai jamais vu quelqu'un travailler comme ça. Ben, à un moment donné, t'as des déclarations qui sont. Donc. Il a beaucoup travaillé en Italie, qu'il nous le fasse en France. En parlant d'Italie, avant qu'on passe à la suite, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les coups de pied arrêtés ou pas? Non. Non, parfait. Donc on va passer à la suite. Avant de passer à Lyon et au 3-4-3, petit retour d'un petit jingle, puisqu'il y a une info qui est tombée dans la journée, oui. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Drogba, Thuram. Non, moi je sais, Makelele, Beckenbauer, Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Et non, c'est pas du tennis. On a appris donc aujourd'hui, le 22, c'est aujourd'hui, exactement. C'est Emery qui nous a fait une petite brève sur G33 que vous pouvez retrouver sur le site. Le transfert de Lucas Leurager de Bordeaux au Genoa. Info, non, l'info. Hein ? Il me semble que c'est Girona Info qui en a parlé en premier. Oui, Girona Info, mais je veux dire la brève. C'est Rico. C'est Rico qui l'a faite. Donc c'est Girona Info, oui, qui nous sort l'info. Qui nous dit, suite à ses 10 titularisations au Genoa, Lucas Leurager rejoint définitivement le club pour un montant minimum de 7 millions. Ce montant pourrait évoluer jusqu'à 9 en fonction du nombre d'apparitions du joueur. Très donc, bien. Ça sera. Alors, évidemment, ça sera officialisé et acté d'ici quelques semaines quand la période des transferts sera ouverte. Parce que je pense pas que tu puisses lever une. Enfin, quoique, je sais pas. Est-ce que tu peux lever une option d'achat en plein milieu de saison Le comme Bétis ça l'a fait. Après, les Girondins n'ont pour l'instant rien. Le Celso. Bordeaux a rien officialisé et le Genoa a rien officialisé. Non, mais c'est une option obligatoire. Donc, à partir du moment. Je crois que l'autre condition, c'était que le Genoa se maintienne. D'accord. Et ils vont se maintenir. Enfin, c'est pas mal, hein. 7 à 9 millions. C'est... Déjà, 7 millions, le minimum du truc. Faut savoir que c'est le double de l'achat qu'on a fait. C'est bien. Donc, c'est un bon recrutement. C'est une bonne vente. Après, moi, j'ai un regret. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux avec ce garçon que ce qu'on a fait. Mais bon. Eh, écoute. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme c'est ça. C'est la vie. C'est... Moi, j'ai pas de regret. Mais mine de rien, ça fait. Étonnant. Comme tu dis, si c'est 7 millions, tu récupères t'as deux fois ta mise. Et si c'est 9 millions. 9 millions, c'est plus que 2 fois ta mise. Bon... Non, 2 fois et demi. 9 millions, c'est de l'argent entre guillemets pas prévu. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a besoin au niveau des finances. Voilà, il y en a besoin. Donc je pense que les dirigeants aussi. Je suis pas sûr que ça soit complètement réinvesti. Crachaient sur 7 à 9. Ouais, bah quand même. 7 à 9 millions, tu craches pas dessus. Même, ah oui, tu craches pas dessus parce qu'il va y en avoir besoin. Parce que je pense que, voilà. Je pense qu'au niveau des prévisions budgétaires, je pense que t'avais pas prévu la 14e place. Parce qu'il faut pas. Oui, il faut pas se leurrer. Les gens disent ouais, des départs. Ok, il va y avoir peut-être des départs, mais c'est pas des départs qui vont nous rapporter des millions. Hein. Les seuls départs qui peuvent vraiment nous rapporter un peu de pognon, c'est malheureusement tes joueurs entre guillemets stars, c'est-à-dire que Koundé, Pablo, voilà, c'est les deux seuls. Tes deux seuls joueurs manquables, c'était défenseur quoi. Ouais, Camano, oui, il va te rapporter 10 millions. Ouais, non, plus. Si tu vas le vendre en Angleterre, t'as plus. Mais plus de quoi ? Il a pas marqué depuis 8 mois, Adrien. Mais... Je dis une connerie, il a marqué contre Toulouse l'autre jour ou je sais et pas qui. Allez, super. Mais non, mais il met plus un pied devant l'autre. Mais oui, mais en Angleterre, t'as vu combien il paye. Ouais, après, les Angleterre, c'est des pigeons. Au Qatar. Ouais. Au Qatar. Oh, ça n'a rien à voir. Mais et vous avez vu l'image de Camano avec des supporters avant Nîmes ? Vas-y. Il y a une image où on ne sait pas, il y a une foule qui se jette sur. Enfin, une foule, il y a 5 ou 6 personnes qui se jettent. Ah oui, c'est une mini foule quoi. C'est une foule. c'est la foule. C'est regardez, un bébé foule quoi. Il doit avoir la brève, mais c'est. Je sais pas si je crois que c'est des Guinéens peut-être, vu qu'il est Guinéen. Et qui viennent pour avoir une photo avec lui et tout ça. Enfin voilà. Bah oui, parce qu'à Nîmes, franchement, je vois pas ce que. À moins qu'il ait un fan club à Nîmes, François Camano. Mais... Ou alors c'était des Corses. Koundé a un fan club. À Nîmes ? Mais oui, il a joué à Nîmes. Ah bon ? Ouais. Il a été prêté une année. Même... Ouais. Sérieux ? Quand ils étaient en Ligue 2. Oui, en national. Il remonte à Ligue 2 l'année pour où te il dire a... si ça m'a marqué. C'était au début déjà. Je m'en souviens, on l'avait eu au téléphone. Maxime Poundé, on l'avait prêté à Nîmes. Poupou ! Et à l'époque, on le suivait et on l'avait déjà eu à l'émission. On l'avait eu en. Je me rappelle qu'il était venu ici. Oui, il est venu deux fois. Deux ou trois fois, il est venu. Et c'est un super gars. Pas beaucoup, mais. Anime, ouais, il était. On l'avait eu au téléphone. D'accord. Bah, tu vois, j'avais complètement oublié ce 2011, il me semble, c'est ça ? Je vais vérifier. Donc Lucas Leurager direction l'Italie, c'est une première vente, un premier transfert. Ouais non, en parlant de trucs hallucinants, pour vous dire que c'est une mini parenthèse, mais pour vous dire le football marche sur la tête, mais que ça soit en France. Il parlait de tout à l'heure là, juste avant à la radio, il parlait de Lucas Ocampos qui aimerait prolonger avec Marseille. Bon, jusque là, tout va bien. Non mais écoutez bien les chiffres. Lucas Ocampos, est-ce que vous savez quel est son salaire ? Non. Pour vous dire comment on marche sur la tête en France. Son salaire est de 130 000 euros. D'accord ? Est-ce que vous savez à quel rang il est parmi les salaires de l'OM ? 20e. Ouais. Oui. 19e. C'est Marseille. Ça veut dire que dans cette équipe de Marseille, il y a 18 joueurs qui sont mieux payés que 130 000 euros que Lucas Ocampos. Mais attends, c'est hallucinant quand tu vois le. Surtout quand tu vois le niveau. Non, mais je dis ça, je pense que tu prends Bordeaux. Attends, mais t'as pas vu la brève, comme quoi Morgan Sanson, je sais pas quoi, il parlait de 40 millions d'Angleterre, mais c'est hallucinant. Non, mais que Morgan Sanson soit mieux payé que Lucas Ocampos. 40 millions d'indemnités de transfert, Morgan Sanson, un remplaçant de Marseille. Vers quel club? Soit Wolverhampton, ouais, un truc comme ça. Non, mais Morgan Sanson, il a un potentiel. Hein. C'est un bon joueur. Il est sous-exploité à Marseille. Sanson, il vaut 40 millions. C'est un bon joueur. Il vaut pas 40 millions. Koundé, il en vaut 150. Entendons-nous bien, demain, Sanson, tu me le mets à Bordeaux, je serais très content. Il a failli. Déjà, à 8 millions, on ne peut pas. Alors, à 40. Ah, bah évidemment. Non, mais ils veulent vraiment le vendre 40 millions. La folie de ce truc, le mec, il paye 130 000 bars. Donc, il considère que devant lui. Il y a 18 joueurs, ils sont meilleurs que lui. Il est titulaire tous les matchs. Ouais, d'accord, mais enfin, quand même, bref. J'espère que Bordeaux. Enfin, j'espère qu'on est pas dans ce délire-là de surpayer des mecs. Bref. La suite, c'est quoi, messieurs? 3-4-3 ou Lyon? Il reste. Vous choisissez. Vous choisissez, allez, comme vous voulez. Le 3-4-3 ou Lyon? On finit par Lyon? 3-4-3? Allez, on finira par Lyon. Le 3-4-3, Adrien, tu voulais nous. Oui, c'est Enzo qui surtout, mais je vais parler à la place Enzo. Non, demandez si on est 3-4-3 compatible. Ça veut dire, est-ce qu'on a les joueurs pour jouer dans ce schéma de jeu? Et surtout, la question se posait, on l'a posée pendant le match. Si Paulo Souza le fait, c'est... Oui, il le fait, peut-être parce que c'est son schéma de jeu et qui veut jouer comme ça et il fait tout pour que les joueurs s'y adaptent. On a déjà eu le cas avec Gourvennec était venu sa première saison. Il avait voulu jouer en 4-4-2 et c'était pas passé. Donc bon, 3-4-3, il y a quand même eu des matchs où ça a été performant, mais la question est de savoir si avec les joueurs actuels on peut jouer, notamment au milieu où qui a été remis en cause avec Otavio Basic. Et aussi le trio offensif qui... Honnêtement, c'est pourquoi il part à 3 pour moi. Pourrait jouer à 3-4-3. Parce que ses 3 meilleurs joueurs, c'est ses 3 défenseurs centraux. C'est pas faux. Donc du coup, il veut faire jouer ses 3 meilleurs joueurs. C'est vrai que c'est pas faux. Et c'est là où Depréville est le meilleur. Aussi. Ouais, alors on dit 3-4-3 ou 3-5, ça dépend comment on appelle ça. Voilà. C'est-à-dire que ça serait... Pour moi, hein, puis je pense vraiment que c'est une philosophie qu'il a de jeu. Donc il essaie de voir quel joueur pourrait s'y adapter et pour faire un choix. Parce que je pense vraiment que l'année prochaine, il va y avoir vraiment un grand ménage de fait dans cet effectif-là. Et je pense que là, il a plusieurs journées pour voir quels joueurs sont capables de s'adapter à cette rigueur-là, cette tactique-là. Et là, il est en recherche de réponses, clairement. Et il y a des joueurs qui lui donnent des réponses positives et il y en a d'autres qui lui donnent des réponses qui sont négatives. Oui. Et après aussi, il y a le souci sur ce 3-4-3 de nos latéraux qui il y a peu de stabilité. Il y a Pungé qui s'est un peu installé, mais finalement il sort. Il s'est blessé, donc il pouvait pas jouer les deux derniers matchs. Enfin, même s'il est rentré contre Nîmes, mais il était pas titulaire. Il y a que Pungé qui a porté. Au moins, tu peux te dire qu'il fera au moins un bon remplaçant pour l'année prochaine. Le gros problème que t'as, c'est que. En plus de ça, c'est quand même une composition tactique. Enfin, la modulation qu'il a mis en place, parce qu'on peut parler de modulation plus que 3-4-3, parce que quand tu es en phase offensive, oui, tu es en 3-4-3. Mais après, tu es en 3-3-4. Quand tu es en bloc médian, tu es en 3-5-2 ou 3-4-3. Et quand tu es en bloc bas, tu es en 5-3-2, voire 5-4-1. Donc, ces modulations ont... Est-ce que ça fait pas trop? Mais non, mais c'est un foot moderne. Non, ouais, mais après, on n'arrive déjà pas à être bon. Non, mais c'est ce que je veux dire sur un simple. Mais c'est le foot moderne, Seb. C'est-à-dire, mais justement, c'est là que tu vois les joueurs où ils sont capables de s'adapter intellectuellement au football moderne, et ceux qui ont une capacité physique à remplir les rôles qui leur sont donnés. Aujourd'hui, tu vois, tu parles de Pungé qui est à une hygiène de vie, mais on peut le dire. C'est un moine. C'est le mec, c'est un monstre. Jazzer, mais... C'est un monstre. Et il peut faire 50 matchs dans l'année comme Koundé. Il était vu là, tu te rappelles, on avait fait machin, il avait bu un verre d'eau, le mec il mange rien de machin. Enfin, non, il est mais hyper, c'est surtout que le mec, c'est. Non, mais il a surtout à l'entraînement, il respecte. Les préparations, il les fait bien. Il arrive à une préparation, il n'arrive pas sans travail. Koundé est un peu pareil, un peu dans le même délire. Et à côté de ça, de l'autre côté, on va prendre le pendant, t'as Sabali, qui a été blessé une partie de l'année suite à la Coupe du Monde, oui. Et qui n'arrive pas lui, qui à trouver son rythme. Et qui et tu vois que physiquement, il a la peine. Palencia, il a pas. Enfin, Palencia, intellectuellement, le football, il le comprend. Le gros problème, c'est son développement physique. C'est que d'ailleurs, Palencia, c'est sa première année professionnelle. On le voit que. Et en Ligue 1 en plus. Ça veut dire qu'il passe de. Il a la peine parce, au niveau de la vélocité, au niveau des courses, des contacts physiques. Il a des grosses lacunes, comme Maja, comme Adli. Donc, ça, c'est des joueurs qui sont à développer. Après, à voir l'année prochaine, vu que tu as Belanova arrière droit. Est-ce que tu pars avec deux joueurs qui sont totalement novices enfin, remarque, du coup, Palencia sera plus... Belanova est novice, oui, mais bon. Après, il faut quand même avoir un développement. Est-ce qu'il aura le développement nécessaire pour pouvoir assumer une trentaine de matchs dans l'année à haute intensité? Parce que Paulo Sousa, il ne parle que de haute intensité. Toutes les courses qu'il veut, c'est que de la haute intensité. Mais surtout sur ces postes, sur le côté, qui sont très importants. Mais ce 3-4-3... C'est surtout un 3-4-3 anglais. Enfin, ces tactiques-là, moi ce que je remarque surtout, c'est surtout du football anglais qu'il veut mettre. Parce qu'il ne parle que de pressing, il ne parle que d'intensité, de haute intensité de course. Mais il parle que de jeux comme ça. Et c'est le jeu qui est mis en place en Angleterre. C'est là où je pense qu'il ne faut pas qu'il aille chercher trop loin. Je ne sais plus qui j'entends souvent dire ça. Je ne sais pas si c'est pas Dimeco. Je crois que c'est Duga ou Dimeco, je ne sais plus. Mais, ou Riolo. Il dit, mais ils ont complètement raison. Le niveau de la Ligue 1 est tellement. Allez, je vais être gentil, je vais dire moyen, voire très moyen. Cette saison, que t'as même pas besoin d'être bon au football, t'as juste besoin de courir vite, longtemps, et d'être rigoureux. C'est tout. Juste en courant vite, tu peux être bon en Ligue 1. T'as pas besoin de faire des dribbles, des roulettes, des machins, des trucs. Juste, t'as besoin de courir vite et de mettre de l'engagement. Comme fait Nîmes. Mais regardez Nîmes. Nîmes, c'est pas une équipe. Je suis désolé, Nîmes, ils ont des joueurs. C'est pas des extraterrestres du ballon rond. D'accord. À part peut-être Savanier. Voilà. Un gars qui est pas mauvais. Oui, mais je veux dire, t'en as un ou deux. T'en as sur les 30. Je suis désolé, on va pas être désagréable avec eux. C'est des joueurs moyens de Ligue 1. Sauf que comme ils mettent de l'engagement, de l'intensité, ils courent plus vite, ils se dépensent plus et ils se donnent plus. Voilà, ça fait la diff. Alors, ils sont pas en Coupe d'Europe, mais ils se maintiennent. Je sais plus combien, ils sont 10e, 11e. Tranquille, petite place pour un promu. C'est ça. Parce que là où toi tu mettais le doigt, Cyril, tu disais juste faire juste comme veut Paulo Sousa, de dire des courses, du pressing, du machin. T'as juste à faire ça en Ligue 1 pour cette saison. T'as juste à faire ça. C'est-à-dire après, que le niveau est tellement faible. De toute façon, t'es dans la post-formation. Le projet Bordelais, il est dans la post-formation. Si Paulo Sousa, il va avoir un effectif qui respecte ces caractéristiques-là au départ, c'est-à-dire de l'abnégation, du physique et de l'hygiène de vie, de la rigueur des tactiques. Une fois que tes joueurs, ton effectif est équilibré sur ces points-là, après il est dans le développement des joueurs. Et une fois qu'il se développe, après tu peux la valeur marchande prend, etc., etc., etc. Mais le minimum requis aujourd'hui, tu l'as pas. À Bordeaux, tu ne l'as pas. Mais après le, disons que le 3-4-3, enfin cette question tu remets un peu en cause le 3-4-3 comme si c'était ça le problème. Je pense pas que c'est ça le problème. Et le problème c'est l'intention de jeu de Paulo Sousa. Parce que justement le 3-4-3 nous a permis de sortir de cette extrême stabilité, cet immobilisme que nous apportait le 4-3-3. Quand on avait plus nos joueurs sur le côté qui étaient capables de faire la différence. Et ce 3-4-3 permet d'avoir un match qui vit et de se créer des espaces forcément, même si t'en libères un peu plus. Mais défensivement, t'arrives à t'en sortir quand c'est pas les coups de pied arrêtés. Et le problème qu'on avait avec le 4-3-3, ça veut dire qu'on arrivait aussi à tenir défensivement, mais offensivement, on était inoffensif. Derrière, tu pourrais toujours un coup de pied arrêté. Je vais vous retourner le truc alors, parce qu'il y a toujours cette éternelle question, est-ce que c'est les hommes qui font le système ou est-ce que c'est les systèmes qui font les... Est-ce qu'il faut s'adapter aux joueurs qu'on a ? Est-ce que Paulo Sousa devrait... Alors, je peux dire ce qu'il a à faire, ce garçon, mais dire, j'ai peut-être pas effectivement le matériel qu'il faut pour jouer sous cette forme-là, je m'adapte. Et je propose autre chose. C'est une question qu'il pourrait se poser si l'année prochaine, au bout de quelques matchs, ça marche pas. Mais cette saison, comme il sait que il va voir les joueurs les plus adaptés pour ce dispositif qui est son schéma de jeu, il est obligé de le garder parce que c'est, il est pas dans une philosophie de se dire de toute façon j'aurai pas d'autres joueurs pour mon projet. Là, si c'est juste, je trie quel joueur peut être performant dans ce système là. Et donc il a pas de raison de faire un autre schéma de jeu parce que il a pas d'obligation, ça fait un peu mal de dire ça, mais d'obligation de gagner un match. Il a Paulo Sousa, il a actuellement aucune obligation de résultat, si ce n'est de finir à la meilleure place possible. Et il y a de fortes chances. T'as 10 points d'avance sur le 18e. Il y a de fortes chances que le 3-4-3 qu'on a, et si on met les bons ingrédients dedans, contre Lyon, ça marche et qu'on arrive à en sortir quelque chose. C'est aussi le problème de ces matchs à l'extérieur. C'est un autre problème cette saison. Hein, à l'extérieur, on est dégueulasse. On est. Quand on a mené que 63 minutes à l'extérieur cette saison. Tu te rends compte, même pas un match entier. Et puis, même pour les spectateurs, une fin de saison sans le 3-4-3, on s'ennuierait. Je pense, parce que c'est le schéma de jeu qui permet d'offrir le plus de spectacles. Qu'on s'en prenne ou pas à des buts, hein, mais c'est le schéma de jeu où il y a le plus d'occasions. Ça se voit sur tous les matchs qu'il y a eu avec Paulo Sousa. Il n'y a pas eu de match où on s'est ennuyé ferme, où il n'y a rien. Et puis ne perdons pas de vue quand même que Paulo Sousa n'est là que depuis, c'est quoi, c'est son cinquième match ? Cinquième ou sixième. Que sur les cinq ou six matchs qu'il a joué, et on en revient toujours au même problème depuis le dé, ça commence à faire un moment. Il n'a pas pu mettre deux fois de suite la même équipe en place pour cause de suspendus et de blessés. Donc ça aussi, je ne suis pas sûr que ça aide à vraiment voir une équipe prendre et un système prendre. Quand un coup, tu joues avec Sissoko, avec Pablo Koundé, un jour tu joues avec Koundé, Sissoko, Loré, le lendemain tu joues avec Loré, Jovanovic, Koundé, et je vous parle que de la défense, vous faites pareil pour l'attaque, parce qu'un coup t'as un blessé, un suspendu qui revient, un machin qui repart, ça aide pas non plus, et le tour en 5-6 matchs, voilà, il faut peut-être... Et même offensivement aussi, t'as plus personne... T'as Maja, tu vois, Mendy, tu le mets titulaire, il marque, et puis derrière il se blesse. Mendy au mois de décembre. Mendy, c'était logique, quand t'avais Cornelius, c'était logique. Cornelius se pète. Mais le souci aussi, et il y a un joueur qui joue à droite dans ce rôle de d'ailier, milieu, défenseur, enfin bref, vraiment piston sur le côté, c'est Kalou, qui en sélection aussi joue de ce rôle-là, et qui peut être un joueur qui a un avenir à ce poste-là. Mais il te manque certains joueurs pour construire, et t'as d'autres joueurs sur qui t'aurais pu t'appuyer, parce que vendredi il y a certains qui disaient Sankaré pas fait pour le 3-4-3. Il est pas fait pour jouer au foot. Mais Sankaré, si tu le mets pas sur les deux pointes, les deux milieux bas, c'est ce qu'il demandait, de la liberté, et quand il arrive au Girondins, cette liberté où il pouvait se projeter et aller dans la surface, apporter ce plus, il aurait pu le faire. Mais le problème, c'est que tu as plein de joueurs qui sont plus dedans. Camano est plus dedans. Sankaré, il est plus depuis la barbe. Caramo n'y est plus dedans. Et tu as un joueur qui est au niveau offensif, sur tous les joueurs qui te faisaient ton début de saison où ça a été potable. Mais Caramo, il n'y est plus. Camano, il met plus un pied devant l'autre. Il n'y est plus au niveau de l'état d'esprit aussi. Kalou, il est blessé. Cornelius, il est blessé. T'as Brillant. Et t'as eu deux Préville qui est revenu. Le problème, c'est que dès qu'il perd physiquement, dès qu'il est moins bien dans le match, et ben on se crée plus d'efforts. Alors, bien ton mercato d'été, ton mercato d'hiver. Comment tu peux concevoir un effectif comme ça? Voilà. Oh, mais c'est toujours pareil, ton mercato d'hiver, il est fait dans d'autres conditions qu'actuellement. Peut-être que si t'as Paulo Sousa dès le mois de décembre, t'as pas le même mercato d'hiver. Le mercato d'hiver, il est fait pour solder. À un moment donné, un dirigeant, il est là pour prévoir. Après, c'est pas une question de recruter un tel ou un tel ou un tel. C'est qu'aujourd'hui, tu as un déficit au niveau de tes solutions offensives. Tu as un mimétisme de qualité chez les joueurs, c'est-à-dire que tu n'as aucune... T'as un effectif qui était fait pour le 4-3. Bah, t'en non, as tout mais, c'est, mais c'est surtout que tes joueurs, t'en as au moins ils 3, ont les mêmes, voilà. Ils ont le même morphotype, enfin, ils ont 3, le même, au moins 3, quoi. Ils ont les mêmes qualités, ils ont les mêmes trucs, c'est les mêmes. Kamano, Kalou. Que Kamano, Caramo, Kalou. De Préville, c'est pas mêmes, brillant. C'est les mêmes. Alors, ils ont un mental faible. Mental faible. Ah oui, un jeu, Jalou, qui, un, je jeu, sais pas. Un jeu qui leur demande extrêmement, qui leur demande beaucoup de physique parce que tout leur jeu est basé sur la vitesse et l'accélération. Si mentalement ils y sont pas ou si physiquement ils y sont pas, ils servent à rien. Et donc en ce moment, on se retrouve totalement bloqué avec cet effectif là, cette conception d'effectif là. Mais de toute façon, on l'a dit au moment où on a fait le mercato, on a vu le mercato d'hiver, on a dit. Bah ok, ils ont sacrifié la fin de saison. Et on avait encore une demi-finale hein, à jouer. Mais il y avait une demi-finale de Coupe de la Ligue à jouer. Bien messieurs, on va passer à ça, la suite. C'est la fin du mercato ça déjà. Ouais. Pour terminer cette émission, il reste 20 petites minutes. On va parler donc de ce qui nous attend vendredi 20h45. Nouveau stade René Galis maintenant. Le match. Musique qui fait peur. Oui, qui le match. Qui peut renforcer l'amitié... Stéphane avec les Stéphanois. Eh oui, puisque alors on va faire un petit point rapidement. Déjà un petit point rapide au classement. Bordeaux accueille donc l'Olympique Lyonnais 3ème avec 59 points plus 14 de différence de but. Bordeaux 14ème avec 38 points, 21 points de retard sur l'Olympique Lyonnais. Lyon qui joue donc la 3ème place puisqu'il est quasiment acquis maintenant que Lille, maintenant que Paris est champion, oui. Je pense qu'il est acquis pour tout le monde que Lille sera second. La troisième place se joue donc entre trois clubs historiques du foot français, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et les Verts de la Saint-Etienne qui sont encore en course pour jouer la troisième place qualificative, enfin pour un tour préliminaire avec des champions. Qu'on en profite, ça risque de pas durer. Bordeaux a... Non, même pas sûr que ça soit qu'un tour préliminaire. Non, deux. Non, il y a possibilité que ça soit directement qualifié. La troisième cette place. Cette année, ça a été directement qualifié. Mais qu'est-ce qu'il faut comme miracle ? Je sais plus si c'est pas un club qui est déjà qualifié qui doit gagner l'Europa League. Je crois que c'est ça. Qui est en demi-finale d'Europa League ? T'as Chelsea. Arsenal. Ah bah c'est possible alors, oui. Et... C'est pas impossible du coup. Oui, puisque si Arsenal et Chelsea finissent dans les 4 premiers, bah non, c'est jouable. Mais je sais pas, alors après, comme le règlement de l'UEFA change tous les ans, alors, dernier, c'était comme ça. Il y a eu 13 et 17, 30, 54 Bordeaux-Lyon dans l'histoire de la Ligue 1. Bordeaux s'est imposé 24 fois, 17 matchs nuls, et l'Olympique Lyonnais s'est imposé, entre guillemets, seulement 13 fois à Bordeaux. La dernière victoire de Lyon à Bordeaux, messieurs. Il y a 3, 4, 5 ans. C'était le 21 décembre 2014 et on en avait pris une bien bonasse. Ça fait 4 ans. Puisqu'on avait pris un bon petit 5-0 des familles à l'ancienne. C'était à l'Escure. Ah oui, avec. Vous avez les buteurs Cazerie. Rapido là Non. Cazerie. Avec Cazerie qui avait dit. C'est pas lui qui prend le rouge. Alors bien. Quand il dit Ola, si t'as payé. C'est pas loi qui prend le rouge. C'est pas loi qui prend le rouge à l'heure de jeu. Et il y a Cazerie qui dit Ola, si t'as payé à l'arbitre. C'est un doublé de la Casette. But de Tolisso, Fekir et Jordan Ferry dans le désordre. Il y a eu tellement des matchs avec Lyon où c'était une souffrance. Genre, ah oui. Il y a eu aussi le match où on menait 1-0 jusqu'à 90ème et en prolongation on perd 2-1. De quoi ? Enfin, autant un. Puisque l'année d'avant tu perds 2-1. L'année d'avant, tu perds 4-0. Faut remonter. Bon, après, ceci dit, 2015, 3-1. 1 partout, 2017. Au nouveau stade, on est bien. Voilà. Et l'année dernière, on leur a mis une petite pile aussi, hein, un petit 3-1. Avec propre, la suspension de Malcolm de 3 matchs. De Préville, Malcolm et avec la fameuse simulation de Malcolm. Où il prend 3 matchs. Parce où il prend 3 matchs. Et Otavio avait pris un rouge, dis donc. Je m'en souviens même pas. Oui, si. Une faute à l'entrée de surface. Double, deux fautes. Ouais. Deux jaunes. Et oui, il en prend le premier à la 35ème. Donc, dernier match, entre guillemets, de gala à Bordeaux cette saison. Avant d'aller, après, il restera un déplacement à Lille. Et puis sinon, entre-temps, il y aura Reims, je crois. Et ouais, si je dis pas de bêtises, après, a... ouais, après, on va ranger. Y a pas de... Bordeaux, donc, à domicile, c'est pas terrible sur les quatre derniers matchs. C'est 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Lyon, à l'extérieur, c'est pas vraiment mieux. C'est une seule victoire pour 1 nul et 2 défaites. Le meilleur buteur à l'extérieur lyonnais, c'est Moussa Dembélé avec 7 buts. Mais malgré ses stats un peu pas terribles, Lyon est sur 1,44 buts par match marqué à l'extérieur contre 1,38 buts à la maison. Pour Bordeaux, notre meilleur buteur, c'est François Camano avec 8 buts à domicile. Évidemment, notre point faible, c'est l'attaque. Alors, c'est paradoxal puisque à l'extérieur, Lyon, c'est 6 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Donc c'est pas non plus ouf. C'est équilibré, ouais, c'est pas ouf. Attends, c'est le troisième du championnat. C'est pas ouf comme stat, je trouve, tu vois. Non. Et nous, à domicile, c'est là où ça fait mal. C'est 7 victoires. Alors, les 7 victoires à domicile, je me demande même où on les trouve, tu vois. 6 nuls et 3 défaites. Si, les 7 victoires à domicile. À domicile, on n'est pas infamant non plus. Qu'est-ce que. Alors, évidemment, on n'a pas les groupes, puisque le match est dans. C'est loin. C'est dans 4 jours. On sait déjà, on vous l'a dit tout à l'heure, que. Il n'y aura pas de suspendu, si je dis pas de bêtises, suite au match de Nîmes côté Bordelais, non, ça sera pour le pas, match non. de d'Angers. Est-ce qu'il y aura des Lyonnais suspendus ? J'en ai pas entendu parler, je pense pas. Donc on va partir sur 2 effectifs au complet, sauf blessés évidemment. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce match de Lyon ? Mettre la même intensité, la même envie que face à Marseille, histoire de déjà de se donner un petit match sympa là pour la fin de saison, et puis de s'assurer la barre des 40, passer à 41 points pour être. Ils ont quand même un ou deux joueurs qui sont quand même vraiment en forme comparé à Marseille. C'est-à-dire que Martin Terrier, quand même, en ce moment, il est en pleine canne. Ouais, il y a que lui. Non, il y a pas que lui, parce que Ndombele, il fait de grosses prestations en ce moment. Si. Donné hier, derrière, ouais. Il est costaud. Lopez fait. Ouais, non, mais alors certes. C'est une grosse équipe. Certes, Lyon n'a pas eu de réussite ces derniers temps, tu vois, notamment depuis l'annonce de. Ils étaient sur 3 défaites d'affilée avant de battre Angers. Je pense vraiment que les joueurs ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le fait que Genesio parte. Maintenant, ils vont assurer la Ligue des Champions. Pour moi, c'est clairement un problème, c'est que le groupe ne suivait plus de Genesio. Ola s'est entendu. Donc maintenant ils vont se concentrer. Enfin, après, il est toujours là, Genesio. Oui, non, mais il est pas là l'année prochaine. Oui, mais c'est-à-dire que s'ils gagnaient contre Rennes en Coupe de France et qu'ils allaient en finale, Genesio était prolongé. Bizarrement, tu vois, Olas a dit on reporte. Et puis le fait de reporter, derrière ils ont fait 2 matchs de défaite d'affilée. Et de reporter, c'est annulé. Tu vois, donc du coup, je pense vraiment que l'effectif a obtenu ce qu'il voulait vraiment. Et que maintenant, tu vois, le match ce week-end ils ont gagné, c'était contre Angers. Il me semble, c'est ça. Ils étaient sur 3 défaites. Ils se font peur un peu en fin de match, mais quand même, grosso modo, sur la première heure, c'est très costaud. C'est réaliste devant. Il y a toujours le problème de Paille qui est fantomatique. C'est quand il veut. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment. C'est quand il veut. Et franchement, s'il est dans un bon jour, il peut nous faire très très mal. Mais s'il est dans un jour sans, ça va nous avantager parce qu'il joue à 10. Mais clairement. C'est Balotelli, hein, de Paille, c'est le même. Hein. C'est pareil. Ouais, en plus talentueux, je pense. Oui, non, mais dans l'état d'esprit, c'est s'il a envie. Par contre, dans l'état d'esprit, c'est s'il veut, il défonce tout. S'il n'a pas envie, il joue à 10. Il faut pas se leurrer. Lyon devra faire un gros match. Mais nous aussi, c'est des matchs dignes de ce qu'on a fait à domicile. Faudra refaire la même que Marseille. Ça va être difficile. Ouais, mais tu peux pas faire la même que Marseille. Que Paris, que Lyon, que Lille. Mais parce que. Dans un stade plein. Mais parce que les Lyonnais n'ont pas les mêmes. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que les joueurs de Marseille. Les joueurs de Marseille, tu savais que techniquement, ils sont grosso modo comme nous. Oui, à part un Thauvin. Ouais, voilà, mais grosso modo, t'as une valeur d'effectif qui est à peu près similaire. Bordeaux est beaucoup plus bas que Marseille parce que l'effectif a lâché, parce que si, parce que ça. Mais ça aurait pu être Marseille. Marseille aurait pu être très bien à notre place. Mais grosso modo, voilà, Bordeaux-Marseille, pour moi, c'est des effectifs qui sont. Alors, Marseille est un petit peu au-dessus du fait qu'ils ont une ou deux individualités qui sont vraiment au-dessus, comme Thauvin, comme. Ils ont des joueurs plus expérimentés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ouf. Alors que Lyon. Mais Lyon, c'est une équipe de Ligue des Champions. Lyon, c'est le niveau de Lille. Je les ai vus. Attends, Lyon, c'est au-dessus de Lille. Mais Lyon, c'est au-dessus de Lille. Mais tu déconnes. Mais non, pas mais cette année, arrête. Non, mais tu crois sur les 5 dernières années. Je m'en bats les couilles des 5 dernières années. Je te parle de maintenant. Là, le Lyon qu'on joue vendredi, c'est pas le Lyon. Si tu sors le fait que les joueurs veulent la tête de Genesio, Lyon, ils sont deuxième. Cyril, le Lyon qu'on va jouer vendredi, c'est pas le Lyon des 5 dernières années, c'est le Lyon de maintenant. Mais tu vas le Lyon de maintenant, je vais te faire dérouiller à Dijon. Tu vas voir que courir, ça te servira. À rien parce qu'ils vont faire tourner le ballon et que tu vas au bout de 60 minutes, tu vas être mort. Moi j'ai vu Lyon se faire rentrer. Si tu leur rentres dedans, je te garantis qu'ils sont largement prenables. Mais pas capable de leur rentrer dedans. Tu l'as fait face à Marseille. Parce qu'ils sont vieux, les Marseillais. Non, mais ils courent pas, les Marseillais. T'as pas que le match Marseille. Qu'est-ce que tu vas essayer de fatiguer Ndombele? Je te garantis qu'Ndombele, je le vois nonchalant des fois sur le terrain. Ndombele, ils comptent plus que Camano, Basic, Otavio réunis. Je pense que ça fait longtemps que t'as pas vu Lyon jouer parce que Ndombele, c'est le plus critique. Mais après, il y a nos stats aussi à domicile contre les gros clubs. où je crois qu'il y a qu'un match nul, c'est contre contre Paris. Derrière, c'est que des victoires. Mais on est capable de le faire. C'est le match après bah oui. C'est, où t'es il faut de le faire, mais il faut pas faire, de jeu il faut pas jouer. Voilà, il faut pas jouer que, faut pas jouer que comme on a joué à Nîmes où il faut être efficace devant. Enfin, efficace dans les deux surfaces. Déjà sur les coups de pied arrêtés, il faut pas t'en prendre. Donc là, déjà, c'est un gros miracle si tu t'en prends pas avec les joueurs qu'ils ont en plus. Et puis offensivement, il faut que tu sois efficace. Et il faut espérer que t'es là, tu testes pas, tu mets l'équipe l'équipe où tu penses que c'est meilleur. Tu mets Briand devant parce que tu sais c'est le joueur qui va t'apporter. Tu mets de Préville le troisième. Zaïdou. Tu peux mettre Zaïdou au milieu, tu auras forcément Basic Otavio parce que il a rien testé personne. D'autre donc oui. à droite, je pense que ça sera Sabali, à gauche ça sera Pungé. Voilà, et tu auras ton équipe presque type. Moi, et il faudra Jovanovic, Pablo Condé, voilà. Puis voilà. Moi, il y a quand même un truc qui me fait peur, enfin qui me fait peur, qui m'inquiète dans cette équipe, c'est que tu prends leur meilleur buteur. Moussa Dembélé, il est à 12, Fekir il est à 9, Terrier il est à 8, Aouar il est à 7, Depay il est à 7. C'est-à-dire que t'as 5 joueurs, et encore j'ai que les 5 premiers, t'as 5 joueurs dans cette équipe-là qui potent. Nous à Bordeaux, tu sais que qui c'est qui te marque des buts à Bordeaux? Déjà le peu que tu marques, voilà, c'est ou Camano, Caramo, mais ils font toujours pareil, frappe enroulée, lunettes et ça finit au fond. Soit Briand, mais il faut le trouver et c'est tout. Voilà. Ah, tu sais que Bordeaux, tu cadres Briand, De Préville et peut-être un peu Camano et t'es peinard. C'est surtout que devant ça va vite. C'est-à-dire que ton cornet, oui. Ça va vite. Cornet ou Traoré. Donc, cornet sera pas titu. Hein, si cornet ou Traoré. Terrier, enfin. Cornet, Traoré, Terrier, qui tu veux. À droite, ça va aller vite. À gauche, c'est Depay. Depay ou Fekir, ça va vite. Ou ça joue. Et devant, Dembélé, ça bouge. Le mec, c'est un remueur de défense. Franchement, t'es 3 de devant, ça va être compliqué. Au milieu de terrain, ça court, ça organise, ça perd pas énormément de ballons. Et sur le côté, Petit Dubois, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, le Petit Dubois, sur le côté droit. Et sur le côté gauche, je sais pas si Mendy est revenu. Je sais pas. Donc Mendy, c'est grosse activité. Et c'est, pour moi, honnêtement, ça va être. Il va falloir qu'on joue à 200%. Il va falloir qu'on joue à 200%. Et donc, il faudra que tous que les joueurs aient la mentalité de Préville. De Préville qui l'a jamais. Mais le problème, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs des Girondins de Bordeaux sont capables de faire 90 minutes à la hauteur d'une prestation de Préville? Il faut même. C'est pour ça que je pense que si. Comme tu dis, si on se met en mode, comme on a fait face à Marseille, en mode on rentre dedans, on lâche pas et on se dépouille, je pense qu'il y a moyen. Oui, mais ils sont pas invincibles. Hein, mais il faut faire. J'ai dit que c'était compliqué. Là, ah oui, il y a beaucoup plus que contre Marseille. Ah, une physionomie de match qui semble très probable. C'est une première mi-temps où on est à fond et on arrive à faire le pressing. Et là, il faut que tu marques tes 1 ou 2 buts d'avance. Et derrière, Lyon fera comme d'habitude, où ils vont enfin jouer en seconde mi-temps. Ils ont un banc de dingue, Lyon. Ils ont un banc de dingue aussi. Et il faut tenir. Et il faudra tenir. Et on va serrer les fesses. Quand nous, tu vas faire entrer des jeunes comme. Adli. Ouais, mais des jeunes. Adli, des jeunes, tu vois. Mais j'aime bien Adli en plus. Oui, pas, oui, mais il est trop jeune. Enfin, il est mais très il est pas jeune, prêt, quoi. Hein, mais j'ai. Quand toi tu vas faire entrer des joueurs comme ça qui sont, c'est des changements qui sont inoffensifs. C'est-à-dire, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un remplacement qui a apporté, c'est rare à Bordeaux. C'est rare à Bordeaux d'avoir un coaching qui est payant parce que ça arrive. Je crois que Cornelius le faisait quand il rentrait. Ouais, une non, fois mais je crois que Souza a eu un match où il a fait rentrer des joueurs où ça a marqué de suite. Mais c'est pas assez régulier, c'est-à-dire que ton banc il est pas assez étoffé, il y a pas assez de qualité sur ton banc. Tu prends Lyon, c'est-à-dire que suivant la composition qu'ils peuvent avoir sur le banc, tu peux avoir un Terrier, tu peux avoir un Traoré, tu peux avoir un Cornet, tu peux avoir tu peux avoir moult joueurs, tu peux c'est dingue. Quand t'as Aouar qui avait en Barça et il était en mais tu peux avoir Aouar sur le banc parce que s'il met Touzard Ndombele, t'as Aouar sur le banc. T'as Fekir. C'est dingue. Lyon, c'est une anomalie qu'ils ne soient pas deuxième. Pour eux, au vu de leur effectif. Au vu de la saison, c'est très, très largement payé. Non, mais au vu de leur effectif, ils devraient être deuxième. Ils ont l'effectif pour être deuxième et tout ça. C'est l'effectif le plus complet. Sauf qu'ils ont ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont pas le mental. Ils ont surtout investi dans Fekir, entre des gars comme Fekir, Touzar, je suis désolé, c'est un idiot. Mais quand tu le vois parler en interview, toi tu juges ça, mais moi je te dis. Mon Dieu, mais il a aucune intelligence de jeu, ce garçon. Il y a Marcelo qui fait de mauvais matchs. Marcelo qui est au fond du sac. Ouais, mais bon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je. Ils sont honnêtement, très bons. Honnêtement, t'enlèves le fait qu'ils voulaient dégager Genesio. Si, franchement, ils sont avec un coach avec lequel ça passe. Mais pour moi, t'as Laurent Blanc qui va à Lyon là avec cet effectif. Ils vont faire une très grosse saison. C'est pareil. Hein. Croyez pas que Fekir il va rester. Depay il restera pas. Enfin, ça va être la lessive aussi côté donné. Parce que je pense que le père Jean-Michel, je pense qu'il pensait vraiment ramasser quelque chose cette année. Tu vois, surtout en Coupe de France qu'ils arrivent en Coupe de la Ligue où ils arrivent en. Mais ils auront de l'argent et même Laurent Blanc. Enfin, pour eux c'est le meilleur entraîneur. Je suis même pas sûr. Ça après, franchement, Laurent Blanc à Lyon. Parle de Laurent Blanc, il parle de Vieira, il parle de pas mal de choses. Olas, on le sait, à Lyon il faut un entraîneur qui aime se faire qui fait pas de vagues. Oui, mais je suis il pas pourra sûr rien que Laurent dire. Blanc, c'est le garçon qui fasse pas de vagues, si oui, mais je suis pas il sûr faut, qu'il il puisse. Il faut quand même un entraîneur qui ait quand même du charisme pour se vestir. Ouais, sauf que t'as le père Jean-Michel au-dessus qui. Oui, mais si tu veux tenir ton vestiaire, c'est. Mais Jean-Michel, il pourra rien dire. C'est ton équipe, elle marche bien. Puis Jean-Michel, il est vieux. Ouais. Pour terminer, donc les compos, les pronos rapido. Vous l'avez donné la compo. Ah oui, la compo, vous l'avez donnée. Je pense que ça, honnêtement, ça sera ça. Ça sera Costil. Ça sera Koundé. Koundé, Pablo, Jovanovic. À droite, ça va être Sabali. À gauche, ça va être Pungé. Au milieu, ça va être Otavio Basic. À gauche, Depréville. À droite, Zaïdou. Et dans l'axe, ça sera Briand. Et tu l'as, à un moment donné. Prono. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Adrien. Fais-moi rire. 3-3. Non, il nous a sorti un 3-3 déjà. 5-2. J'étais pas. Non, arrêtez de me dire, vu que j'étais parti sur un truc raisonnable. Genre, ça me donne envie de donner un score farfelu. Oui, parce que d'habitude, c'est raisonnable. Non, mais je vais faire dans le raisonnable. Je vais faire 1-0 Bordeaux parce que j'ai envie et que ça soit un but à la 90e de Jules Koundé. De Jimmy Briand, mon gars. Non, but de Jules. Carrément, Koundé. Mais ça serait tellement drôle si Jimmy Briand pour ça une serait fois, dans. Putain, ça peut pas être nous qui marquons contre leur ancien club plutôt que tout le temps contre nous, là, Saint-Etienne, on s'est fait encore mettre la carotte. Mais Saint-Etienne, c'est un spectacle. Cyril. Honnêtement, je sais pas. Ça peut, c'est dur, hein. J'ai envie d'y aller. Je vais dire un prono de supporter parce que voilà, même si je pense pas du tout que ça sera ça. Allez, j'espère un match décousu, allez, on va dire 3-2 pour Bordeaux. Ouais, moi je pars sur un but d'écart aussi, 2-1. 2-1 parce qu'on prendra un but, je pense. Je crois qu'on va marquer les deux premiers. Lyon va égaliser en deuxième mi-temps, en faire 2-2. Et après, à la dernière minute, crac. Bam, penalty, VAR, et voilà. Et aussi l'arrête. Avant de se quitter, une petite Olas information qui est tombée dans la soirée, c'est RTL qui donne l'info. Figurez-vous que les deux dernières journées de Ligue 1, la journée 37 et la journée 38, elles pourraient être alors une décalée au dimanche. Donc la journée 37 qui devait se tenir le 18 mai, un samedi, pourrait se tenir le dimanche 19 mai, alors que la journée 38 serait avancée au vendredi 24. En effet, à cause des élections européennes, cet ultime rendez-vous de la saison ne pourrait se tenir le dimanche 26 mai si on tient compte des élections. À cause des élections européennes, mais c'est le dimanche ces élections. Ben oui, mais le samedi c'est Gigi. C'est pour ça que c'est pour l'instant c'est la Ligue qui peut le samedi c'est Gigi Jeune, on va pas se mentir, ça va pas nous bouleverser que le match la journée sachant que ça va être la dernière, ça résumera la saison. Ça va être les deux journées en multiplex, je pense que tous les matchs se jouent en même temps. Donc, en fait, pour les soucis d'équité, il faut absolument que les deux dernières. Voilà. Donc, que ça se joue du samedi ou du dimanche. Ça se trouve, il n'y aura plus rien à jouer. Non, ce qui nous fait chier, c'est que ça soit le vendredi. Le vendredi, ça fait chier. Ouais. J'allais dire, c'est la dernière journée qui fait chier. Que ça se joue après. On la commentera en direct. C'est à la maison le dernier match? Non, c'est à Caen, je crois. En plus, à l'extérieur. Ah, ben tant mieux. En plus, on peut le faire par contre, on peut le faire à la radio. On fera un débrief après. Ça sera à Caen le dernier match? On peut mettre la télé à la radio et on fait une émission pendant. Et on peut revivre une descente de Caen grâce à Bordeaux. Ah, ben ce serait. Mais on n'a pas d'ancien joueur de Caen. Bon, on bute contre son camp de Gilbert. Il y a Base. Base contre son camp. Et qui change de maillot à la fin. Et après, il va voir Mercadal. Et BAM! Et il change de maillot et il va avec le vestiaire bordelais. Allez, merci messieurs. On se retrouve donc, j'allais dire vendredi. Et non, vendredi et match, non. 20h45. On se retrouve quand on se retrouve. Bordeaux reçoit l'Olympique Lyonnais. On se retrouve donc la semaine prochaine. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, pour débriefer évidemment ce Bordeaux-Lyon et parler de ce qui nous attend la semaine d'après. Je sais même plus. Après, on va à Angers. Oui, c'est ça. On va à Angers. Voilà. Bon match vendredi. Venez au stade. Ça va être c'est la dernière grosse affiche de la saison. Il va y avoir du monde. Ça va être chaud. Ça va être si vous voulez un petit peu vibrer un petit peu sur cette dernière partie de saison. C'est vendredi que ça se passe. Venez nombreux. Merci Adrien, merci Cyril, merci Tahar qu'on a eu tout à l'heure au téléphone avec nous. On vous souhaite d'ici là, et oui parce que c'est fini là, aujourd'hui c'était tranquillou, bilou, les chocolats, repos, demain, arbeite. Allez. Eh ben non. Ah ouais, toi c'est vacances. Demain je me couche tard. C'est lundi demain je me couche tard, 3h ou 4h. Adrien, tous les jours c'est le lundi au soleil. À l'UGC de Talence. Voir le... Avengers, ouais. Qui va être diffusé à minuit ou je sais pas quoi. À 23h45 ici. Ah oui. Sauf qu'il dure 3h le truc. Ouais. Bon, bah, j'irai mercredi soir ou toi, t'es un escroc, toi. Ah bah là, franchement, je serai à sa place. C'est le lundi au soleil tous les jours, lui. Ah bah, je serai à sa place, j'aurais fait pareil. À un moment donné, mais quand c'est qu'on va te foutre au boulot, quoi. T'as raison. Il a que 21 ans, le pauvre garçon. Non, il a pas 23. Voilà. Oui, mais 21 ans, merci.